Quelqu'un veut un petit muffin Oreo? Non, ça va, merci. Non, ben non. Waouh, waouh. C'est pas si mal, hein? Ah ouais, pas mal. Ouais, par contre, ouais, c'est pas terrible au niveau de la vision. Ouais. On se croirait dans Ghost. Avance ta main un peu. Quelle bonne idée de s'enregistrer. Quelle très bonne. Non, c'est rigolo. C'est rigolo. Ah, tu vois. Mais il vaut mieux un fond blanc ou un fond vert, effectivement. Bah, surtout que tu as une option vraiment fond vert dans le truc. Donc, c'est censé s'adapter très très bien. Normalement. Ouais. La technologie. Voilà, voilà. Et bah, écoutez, c'était cool, hein. Bah ouais, carrément. Bah, très sympa cette émission, hein. Franchement, ouais. À refaire à l'occasion. On n'a pas beaucoup avancé, mais au moins, on a passé un bon moment. J'ai bien aimé, ouais. C'était top. Ce qui est bien, c'est qu'on sent le côté naturel chez nous. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de chichi. Et ben alors. Ouais. Le stress qui t'empêche d'y aller, c'est ça? Ah non, bah j'attends que tu finisses de bouffer. Non, pourquoi? Tu me déranges pas. Ah bah. Ah oui, toi, tu bouffes en même temps, d'accord. En même temps, on boit, donc. La muffin Oreo, ça se respecte quand même. C'est vrai. Maison en plus. Maison. Donc moi, c'est parti. On y va? Quand tu veux. Salut à tous. Trois mecs, de la bière, une émission, bienvenue dans l'apéro métal. Avec dedans, bah, y a un mec, hein, celui de Musink. Vous connaissez pas, vous allez le connaître. Et les... Oui, il est là. Et les deux autres, hein, Road to Hellfest, pareil, connaissez pas. Ben, lui, ouais, et moi. Voilà, donc le concept, trois mecs. Un peu barbu, hein, plus ou moins, voilà, qui discute de l'actu métal, hein, du mois passé, pendant une heure, on va dire, grosso merdo, hein, avec un maître de cérémonie, et bah, différent, hein, chaque mois, forcément, hein, voilà, et voilà, censé faire le garde-fou de l'émission. Voilà. Ce soir, c'est moi, Bob, voilà, qui ai la chance, le plaisir, merci. Ou presque la joie de présenter cette belle émission, ce nouveau concept, on va dire. Et je suis accompagné de mes deux comparses. Donc, Greg, Jack. Eh ben, salut, ouais, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Félicitations voilà. À toi. Dans le dernier podcast où j'étais, tu n'étais que numéro 2 et là, tu passes numéro 1. C'est upgradé. Bon, je vais essayer d'animer cette émission, hein, comme je timais, hein, approximatif. D'accord. Voilà. Donc, bah, on va passer tout de suite aux rubriques news. Alors, yes. Je sens la joie et l'allégresse. Ah ouais, non, mais on boit tes paroles. Ah ben, oui. On est totalement. On n'ose rien dire, quoi. Attends. On est comme invité, hein, on ne veut pas. Attends. Non, mais dites, les gars, dites. Hein. Non, mais c'est fou. Voilà. Ouais. On va commencer par toi, Greg. Oh, tout de suite, là. Que... Bah, tu as des petites news à nous proposer. Il y a une jingle, il y a un truc, non? Non. Est-ce qu'on fait un faux jingle ou est-ce qu'on peut rajouter un jingle après, hein? Fait un jingle à la dommage. Bouche ou pas, non? La news. Chicha. C'est pas mal. Là, t'es vraiment, ouais, t'es vraiment dans l'esprit. Hein. Ouais, moi, j'aime bien. Celui-là, il est bien. Donc, bah oui, alors, juste pour reprendre le fil, donc c'est la news, hein, sauf erreur. C'est ça, on est dans la news. On va passer à la news du moment, le sujet qui nous a marqué ces derniers jours, ces derniers temps. Alors moi, il y a un truc qui m'a un peu marqué, c'est... apparemment, c'est la lumière de ton ordinateur. T'es devenu blanc d'un coup. Qui ça, moi? Regarde, et si ouais. Je fais comme ça, regarde, sacrifice. Mets des bougies au pire. Attendez, moi, je peux avoir un truc de cheminée à moitié. Non, mais ça ne se voit pas, c'est trop vert. Non, ça se voit pas. Non, ça se voit. Vert. C'est trop vert. Donc, oui, donc moi, pour la news, j'ai choisi l'invasion du Capitole. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec la musique ? Qu'est-ce que ça a à voir avec la musique, Greg, l'invasion du Capitole ? Eh bien, écoute, vrai, absolument rien, voilà. Ok. Et qu'est-ce que c'était l'invasion du Capitole ? Voilà, tout à fait. Non, alors pour, alors, pour les Toulousains, effectivement, c'était... Non, donc pour remettre un peu de contexte, il y a eu un vote qui a eu lieu il y a quelques jours aux États-Unis pour valider l'élection de Joe Biden. Et en fait, il y a des militants pro-Trump qui s'étaient donné rendez-vous devant le Capitole, donc là où avait lieu ce fameux vote, et ont envahi le Capitole, ce qui est tout simplement une première où je crois que ça arrivait deux fois dans toute l'histoire des États-Unis. Donc, c'est un truc qui a un petit peu secoué, en tout cas, les Américains, parce que pour eux, c'est hautement symbolique. Et puis, un petit peu au-delà, parce que ça, forcément, ça a fait du buzz. Et puis, les images ont circulé partout et tout le monde les a bien en tête. Et donc, moi, ce qui m'a fait un peu... non, qui ne m'a pas fait marrer, mais qui m'a un petit peu interpellé, c'est que parmi ces manifestants, il y avait un musicien métal, plutôt renommé dans le milieu, en l'occurrence, le guitariste fondateur du groupe Ice Earth, John Schaeffer, qui... alors, attention à la technique, là. J'entends des choses, on tente des choses. Là, j'ai le cœur qui palpite, quoi. Voilà, donc on va voir une magnifique image de ce monsieur. Donc, John Schaeffer, fondateur, guitariste du groupe Ice Earth, qui faisait partie des manifestants pro-Trump qui ont envahi le Capitole. Alors, pourquoi j'ai choisi cette image ? Bah déjà, c'est pas souvent qu'on a une figure entre guillemets du métal qui est mise autant en avant dans une situation. Alors, je veux pas rentrer dans le débat politique pour contre bien, pas bien. Chacun se fera sa propre idée sur le sujet. Mais c'est vrai que c'était surprenant de le voir comme ça. La photo est vraiment. Est vraiment marquante. Et du coup, j'ai creusé un petit peu. Alors, on sait que ce mec-là, il a des idées assez posées sur pas mal de sujets qui prêtent souvent à débat. Et donc, en creusant, j'ai découvert qu'en fait, c'est un passionné d'histoire. C'est pas un neuneu. Enfin, le mec est vraiment passionné et il adore l'histoire américaine et notamment la guerre de sécession. Il voue un véritable culte à cette période de l'histoire américaine. Et il a notamment, pour l'anecdote, une boutique. Je crois qu'il vit dans l'Indiana. Et il a d'ailleurs fait le voyage depuis l'Indiana ce jour-là pour aller au Capitole. Et il a une boutique, un espèce de musée où il a des reliques de la guerre de sécession. Et c'est un mec qui est vraiment nostalgique de cette époque. Les confédérés contre... enfin, voilà, c'est... Il est resté bloqué sur cette période. Ouais. Et donc, du coup, c'est pas du tout un coup de sang, en fait. C'était vraiment un acte réfléchi C'est un mec... Alors, vous m'excusez, j'ai pris des notes. C'est un mec qui est vraiment actif dans le milieu. Il a toujours montré sa défiance envers les gouvernements. J'insiste, envers les gouvernements. Pas forcément envers le gouvernement, envers les gouvernements. C'est un mec qui est contre l'État, hein, foncièrement. Qui est un peu anard à sa manière. Le nom de son magasin, alors je suis con, je ne l'ai pas retenu, mais en gros, c'est il y a la mention 1876, alors j'ai peur de dire une connerie, non, peut-être 1676, enfin, qui est la date de l'indépendance américaine. Mm-hmm. Voilà, donc il est très marqué par ce truc-là. Et il a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps par ses théories du complot anti-Covid. Il a vraiment été... Voilà. Et on parle de théorie du complot et tout de suite iPhone et... nous coupe quoi. Nous sommes censurés. Non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de censure les gars. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Comment tu veux que je garde fou de quoi que ce soit ? Il y a le SWAT qui va débarquer là, je suis sûr. Mais non, mais je ne sais même pas en plus pourquoi ça fait ça. C'est ça qui est rigolo. Attendez, je vais relancer ça. Je check la tech. Je ne sais pas en plus pourquoi. Donc, c'était un mec qui était à l'avant-garde des théories du complot anti-Covid aux États-Unis. Donc, voilà, bref, tout ça pour dire que le retrouver à cet endroit-là, une fois qu'on a remis tout ça dans le contexte, c'est moins surprenant. Oui, grave. Pour l'anecdote, j'ai découvert aujourd'hui qu'il y avait également un athlète américain, un nageur, 5 fois ouais. médaille d'or aux États-Unis. Ouais, j'ai vu ça, ouais, j'ai vu ça. Parce que... qui est également rentré dans le Capitole. Voilà, donc il n'y a pas que le monde de la musique, entre guillemets, ou le monde du métal qui est touché. Il y avait d'autres personnalités, d'autres milieux qui ont participé à ce... Il a peut-être confondu avec les journées du patrimoine aussi. Exactement, oui, peut-être. Et comme tu t'es renseigné, Greg, j'ai quelques questions. Déjà, est-ce que lui, il a commenté ça parce que les gens ont dû lui en parler. Est-ce qu'il a fait un retour là-dessus ou pas du tout? Alors lui, pour le moment, il est un peu discret parce qu'en fait, quand tu vas sur le... Je me suis amusé à le faire, quand tu vas sur la page d'accueil du FBI... Maintenant, tu as tous les gens recherchés. En fait, tu as un moteur de recherche des gens les plus recherchés par le FBI et tu peux filtrer alors, les terroristes, les machins, les trucs. Et maintenant, ils ont rajouté une ligne, ceux qui ont envahi le Capitole. Et donc, tu as ce mec-là qui est là-bas parce qu'à date, il fait encore partie des gens recherchés. Il y en a plusieurs qui ont été arrêtés. Il y a un mec qui a volé le pupitre de la présidente du Sénat, lui, il s'est fait arrêter. Le mec qui était déguisé en Jamiroquai, il s'est fait arrêter. Mais John Schaeffer, à date, potentiellement, est presque considéré comme un fugitif. Quoi. Donc non, il s'est pas exprimé. Par contre, les membres de son groupe se sont totalement désolidarisés. Mais j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. En fait, j'ai lu l'interview des membres. Et en fait, eux, ce qu'ils disent, c'est... c'est choquant d'envahir le Capitole, on ne peut pas se permettre de faire ça, c'est pas bien, blablabla, blablabla. Mais à aucun moment, ils citent John Schaeffer. Ah en oui. fait, ils ne se désolidarisent pas de leur boss, parce qu'en fait, c'est un peu leur boss, quoi, finalement. Ils se désolidarisent de l'action qui a été menée collectivement contre le Capitole. C'est une petite nuance qui est importante, qui me fait marrer. Donc voilà, donc moi c'est une image qui m'a marqué. Et j'avais une autre question. Est-ce que son magasin fait du click and collect? Eh bien écoute, c'est une très bonne question. Je voulais commander justement un petit décapsuleur de la guerre d'indépendance, mais voilà. Je te le dirai. Et donc en dehors de John Schaeffer et de ce natationniste, parce que je n'ai pas le nom de cette petite. Est-ce qu'il y a d'autres gens connus ou publics qui ont été recensés de cette attaque? Pas du tout, pour l'instant. Bah, écoute, à ma connaissance, à part le champion olympique de natation... c'est pas natationniste. Ah oui, non, c'est ça que tu voulais dire. Je croyais que c'était un croisement entre négationniste, nation, natationniste. Je ne devrais pas les tenter, ça, là. Je devrais pas les tenter. C'est dommage, en plus. Ah, je suis désolé. C'est du direct, hein, on ne peut même pas couper au montage. Et on ne peut pas couper. Ça fait chier. Non, écoute, je n'ai pas descendu la liste complète, mais... Mais voilà. Très bien. Ok. Voilà. Merci à toi. Écoute, merci. Jacques, tu veux passer à la tienne? Ciao, je me casse. Salut. Ben écoute, oui, alors moi, l'année avait à peine commencé, que la rentrée pour tout le monde, 4 janvier, c'était le jour où malheureusement, on a appris une triste nouvelle, à savoir, alors, je ne suis pas sûr d'arriver à bien le prononcer. Donc, si jamais ce n'est pas le cas, vous me reprenez, mais on apprend le décès d'Alexis Laiho, le chanteur, leader, guitariste, soliste du fameux groupe Children of Bodom, à l'âge de 42 ans, c'est-à-dire seulement 2 de plus que moi et Greg. À le préciser. Non, mais si, c'est important, en fait, pourquoi je veux en parler. Donc, il est mort de suite de maladie. D'ailleurs, il est mort fin décembre, en plus. Donc, on l'a appris quelques jours plus tard. Et en fait, il avait déjà été malade quelques années auparavant. Et en fait, moi, il y a eu pas mal de morts l'année dernière. Et il y a souvent, surtout, je trouve en ce moment régulièrement des morts de gens connus qu'on peut aimer ou pas. Mais en fait, ça m'a vachement plus touché parce que, comme je le disais, on s'est rendu compte qu'il n'avait que 42 ans. Et en fait, il n'avait que 2 ans de plus que moi. Et quand j'avais une vingtaine d'années et que j'étais dans ma chambre en train de gratter sur ma guitare, et que j'essayais d'apprendre des riffs, j'écoutais ses CD en me disant « Mais putain, mais comment il fait, lui ?» Et en fait, ça m'a vraiment mis un coup de perdre un putain de guitariste que je kiffais, en fait, et que j'avais un peu lâché ces dernières années parce qu'il y a quelques albums que j'ai moins aimés, mais dont je suis revenu un peu vers le groupe là, avant leur séparation l'année dernière, justement. Et donc, du coup, ça m'a vraiment mis un coup de perdre ce musicien que je trouvais hyper talentueux. Et que donc, je suppose que son nouveau groupe qu'il avait transformé Bodom After Midnight, Donc, ils avaient déjà enregistré l'album, je crois, si je dis pas de conneries. Donc, je suppose qu'il sortira à titre posthume. On n'a pas eu trop de nouvelles, je crois, pour l'instant là-dessus. Ils sont en mode un peu, on est en train de vivre notre chagrin, on verra plus tard, mais je pense qu'il sortira forcément. Et pour le coup, j'ai hâte de l'entendre parce que ce sera quelque chose de nouveau et la dernière fois qu'on aura sûrement de ces morceaux. Et c'est quelqu'un qui a, mine de rien, sans que je m'en rende compte, en fait, vachement compté. Et que j'avais mis de côté pas mal de temps. Je l'avais vu au Download en 2016 et j'avais zappé un des concerts au Hellfest. En fait, je crois qu'il y a eu 2 années où il est venu et il y a une année où c'était pas bien du tout. Parce qu'apparemment, il était un peu désagréable avec le public, où il était malade, j'ai pas eu toutes les infos, mais que la fois d'après, c'était trop bien et j'avais raté les deux. Ça, je peux même pas comparer. Mais d'avoir vu au Download, j'avais déjà vachement kiffé à l'époque, ça m'avait remis sur l'écoute du groupe. Mais voilà, c'est quelque chose qui, moi, m'a marqué dès le début de la rentrée, après les fêtes de fin d'année, le retour au boulot, et là, ça m'a vraiment mis un coup, quoi. Après, je sais pas vous comment vous étiez par rapport à Children of Bodom ou juste le Music Off, mais... Moi, c'est un truc qui m'a touché. Pour ma part, ni plus ni moins. Moi, c'est Children, je n'ai jamais vraiment suivi. Ça, c'est bien. Et voilà. Toi, Greg ? Je suis un petit peu dans le même cas. En fait, je connais très, très peu la musique de Children of Bodom. Ça fait partie de ces groupes où je suis passé à côté. Hein. On ne peut pas tout écouter et tout connaître. Tout à fait. Non, tout à fait. Et voilà. Donc, j'ai vu par l'émoi que ça a généré sur les réseaux sociaux que visiblement, effectivement, c'était quelqu'un qui a énormément compté et qui était très, très talentueux. Ah ouais, c'est clair. Du coup, comme beaucoup, j'imagine, je me suis réécouté un peu les premiers albums de Children of Bodom qui étaient vraiment les plus marquants de l'œuvre de ce musicien. Je suis d'accord. Mais non, ça ne m'a pas fait le même effet que... 2 ans de plus que nous. Ouais, non, mais ça... Ça fait super jeune. Maintenant, maintenant. Ah, je suis jeune. Ouais. Enfin, voilà, moi, c'était mon image marquante de ce début d'année. Parce que du coup, tu as beaucoup écouté Children of Bodom. Ouais, grave. Mais je te dis, à 20 ans, quand j'étais vraiment en train, pendant que j'écoutais, j'essayais de comprendre. Je trouvais que la qualité de ces riffs était tellement forte pour moi que ça m'a vachement marqué d'essayer de gratter déjà, d'apprendre à jouer. Quand lui, il est composé, en fait. Je savais pas qu'à cette époque-là, je ne savais pas qu'on était si proches. Je ne me rendais pas compte de l'écart si faible, en fait. Donc, en fait, ça m'a remis un coup en me disant « Ah, mais je suis vraiment nul !» comparé à lui. Ça, c'était pour le côté amusant de la chose, mais ça m'a... Ouais, non, vraiment, j'écoutais beaucoup, beaucoup dans les années 2000, quoi. Au début de la carrière, en fait, il y a vraiment, on va dire, entre 2010 et 2016, quoi, que j'ai un peu lâché, mais... Parce que ça s'est un peu, quand même, c'est un peu tourné en rond, quand même, au bout d'un moment, et puis, baf. Parce que pour recontextualiser, Children of Bodom, eux, c'est un peu les précurseurs du death metal, c'est ça ? Ouais. Avec du synthé. C'est important. C'est un peu les précurseurs. Et puis, il y a quand même une sonorité bien particulière à leur prod, je trouve. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un son un peu très aigu dans leur prod qu'on reconnaît tout de suite, en fait. Et après, auquel on peut être totalement, par contre, réfractaire, parce que je peux comprendre, ça sonne assez dans les aigus. Mais moi, j'aimais beaucoup. Et c'est toujours triste de perdre un bon musicien. Ouais, c'est sûr. Ok. Merci, c'est toi. Putain, tu viens de péter l'ambiance, quoi. Je sais, mais c'était le risque. Hein. C'est pour ça que j'hésitais. Ah, mais j'hésitais entre... Non, mais ça démarrait bien, tu vois. On était là pour s'amuser. Puis, voilà. Ouais. Mais c'est important de descendre pour mieux remonter. Du coup, j'ai pas envie de continuer, moi. Ça, ça va faire très court. Mais c'est bon, ouais, c'est vrai. Bon, écoute, je vais passer à la mienne. C'est bon, du coup, tu n'as plus rien à rajouter sur Children of Bodom ? Ah si, j'avais un truc à mettre, je suis trop con, putain. Attendez, bougez pas. Tu vois, c'est pour ça que je demande. Alors, parce que j'ai quand même complètement merdé ma propre news. C'est genre, oui, ah, mais quand même, on est un peu triste. Non, t'as une jolie salle derrière toi. Tu es guitariste ? C'est chez mes parents. Ah, tu leur passeras le bonjour ? Bah oui. Voilà, alors, c'est pour dire, voilà, c'est, voilà, j'avais ça. Donc, c'est lui, quoi, du coup ? C'est lui, du coup. D'accord. Voilà. C'était, du coup ? Ah oui, c'était, oui. Du coup, on passe à ta news, Bob ? C'est ça. Voilà. Sympa, le... Ah, wow. Je te donne l'image que tu m'as fournie. Ok, super. Oui, j'aurais pu te la fournir, parce que moi, c'est plus une surprise, en fait, plus qu'une news. Ça peut être une news pour certaines personnes. Ça peut te faire plaisir à toi, Jack. En fait, j'ai vu ça dans, dans Radio Métal. Tu l'avais chopé ? Oui. Ouais. Ah bah ça me fait plaisir que tu en parles. Il n'y a pas un truc qui t'avait choqué dedans ? Donc, illustration de Bob. Ah, donc, je vais vous dire. C'est certainement à l'envers. Oui, non, c'était... Oui. Non, c'est à l'endroit ? Oui, c'est à l'endroit. Ouais. C'est à l'endroit. Donc, Vianney, Gojira est un groupe mythique. Voilà. Donc, il y a toute une interview sur Vianney, qui apparemment est un gros, gros fan de métal. Hein, et puis, bah, il ne tarit pas d'éloges hein, sur Gojira. Donc, il y a 4 pages hein, sur Vianney. Donc, il nous dit que lors de son adolescence, il écoutait du métal. Et il écoutait beaucoup tout ce qui est Green Day, Sum 41, tout ça. Un petit peu le punk à roulette du début 2000. Voilà. Qu'il écoutait aussi pas mal de Acme, tout ça. Enfin, il a vraiment un amour pour le métal, en fait, qui est totalement inconnu du grand public. Voilà. Et aussi, pour dire que le producteur hein, de Vianney et de Maître Gims est un gros, gros fan aussi de métal et de punk rock. Voilà. Donc, c'est juste ça. Je voulais... C'est bien. En plus... Moi, ça tombe bien que tu en parles. Excuse-moi, est-ce que je te coupe, mais tu avais fini Vas-y. En fait, je ne sais pas, tu l'as vu, Greg, ou pas, toi, le magazine Radio Métal ? Ouais, j'ai réussi à en choper. Ouais. En fait, moi, ça me fait vraiment plaisir que tu en parles, parce que je voulais en toucher deux mots, juste pour dire que, putain, mais il est où, ce magazine ? C'est pour un magazine qui est gratuit, il est, tellement complet, et en plus, il est vraiment super propre, quoi. C'est vrai qu'on pourrait directement parler du magazine en lui-même. Non, mais après, ça... C'est beaucoup plus simple. Non, mais c'était impressionnant. En plus, ils l'ont vraiment bien mis partout. C'est quand même dans le bled où on habite, quand même. Pour le nombre de pélos que ça peut intéresser, il y en avait quand même quelques-uns. Ouais, c'est dans une grande enseigne qu'on l'a chopé. Oui. C'est certainement pour ça. Et quand même. Et donc, moi, je l'ai trouvé vraiment super bien, ce magazine très complet. Leurs dossiers ou leurs interviews, genre celle de Greg Pucciato qui fait 6 à 8 pages, je ne sais plus, mais... C'est un truc de fou et non, je trouve que c'est vraiment super projet. T'as tous les albums. Ils sont montés en Finlande là, pour faire l'interview de Nightwish, je crois, hein, carrément. Ah ouais, carrément, rien que pour c'est ça. C'est possible. J'ai pas lu celle de Nightwish, j'ai lu celle de Solstafir. Ouais. Qui est pas mal non plus d'ailleurs. Mais c'est quoi le plan économique pour sortir un magazine comme ça ? Parce que c'est une bonne question. C'est un peu comment dire. T'as une page sur deux, il y a de la pub. Hein. Ouais, mais il est gratos, le mag. Ouais, donc, mais une page sur deux, t'as de la pub. Ouais. Donc tu vois... Mais il est gratos, le mag. T'as compris ou pas ? Il est gratuit. Non, mais, tu vois, non, je pense qu'il est... Voilà, À la limite, il s'autofinance, mais... Voilà. Ils vont peut-être pas générer énormément de... Enfin, ou alors, ils arrivent vraiment bien à négocier leur pub, mais je trouve ça... Enfin, en tout cas, je salue la démarche parce que. Non, tout à fait, ouais. Tout à fait. Ils auraient pu faire un fanzine ou un truc un peu plus court. Le truc, il est quand même monstre story. Ah non, c'est un vrai magazine. Hein. Il y a 160 pages à peu près. Quand même. Effectivement, ils auraient pu faire une option différente. Je ne sais pas si vous connaissez le podcast qui s'appelle Inoxydable. Non. Un très bon podcast métal, si vous avez l'occasion de l'écouter. Bah, et en fait, ils ont lancé un crowdfunding pour faire un magazine. Que j'ai acheté. Alors, le truc n'était pas donné, hein, c'était presque une quinzaine d'euros. Il y a plusieurs personnes qui ont participé. Il y a un des mecs de Tits, Troll in the Sky, je ne sais pas si vous connaissez, qui a participé. Il y a des mecs de Métallurgie qui ont participé. Donc, pareil, c'est des gros articles de fond très denses. Donc là, il y a zéro pub dedans, mais le bouquin n'est pas gratuit. Et Radio Métal a le mérite, eux, d'avoir choisi l'option gratuite pour du contenu tout aussi intéressant. Donc, c'est une belle démarche, effectivement. Et pour en revenir à ce que tu disais pour Vianney, en fait, ils en parlent déjà dans l'interview, mais il avait fait un passage à Quotidien où, justement, il disait qu'il aimait bien Gojira. Oui, c'est ça. Mais je crois qu'il est passé le soir où Gojira passait. Ouais, c'est ça. Ils étaient nominés au Emmy Award, je crois. Ouais. Et alors, moi, j'ai une question pour toi, Bob. Est-ce que Gojira est fan de Vianney? Alors, je ne crois pas, parce qu'apparemment, ils ne se connaissent pas personnellement, hein, d'après ce qu'il dit. D'accord. Je me demande si lui, il aimerait bien. Est-ce que eux aimeraient bien? Je ne sais pas. Il faudrait leur poser un feat, là, obligé. Ouais, ah oui, il a fait le feat avec Maître Gims, il peut très bien faire un feat avec Gojira. De toute façon, je sais que Gojira regarde l'émission, donc je l'ai lancé, quoi. Ouais, c'est ça. Hein? Bah, il regarde, vraiment. Ah, ouais, en direct, là. Ils sont en direct. Ah merde. Je crois non, par contre, pour faire la parenthèse sur Radio Métal, c'est vraiment une bande de passionnés. Je crois qu'ils sont basés sur Lyon, d'ailleurs. Une bonne partie. Et moi, j'en profite pour dire que j'ai beaucoup de respect pour... donc, c'est Amaury Blanc, qui est un des membres fondateurs de Radio Métal, qui est un des survivants du Bataclan et qui, depuis... donne toute sa vie pour Radio Métal et pour tous les projets qui vont autour. Et c'est vrai que ce projet de magazine était dans les tuyaux depuis très longtemps. Mais voilà, c'est quelque chose qui est fait par les passionnés. Et ce n'est pas forcément le cas de tous les magazines thématiques, pas que sur le métal, quoi. Donc, on peut que saluer la démarche. Et venant de lui, on peut que être sûr que c'est sincère comme démarche. Donc, c'est bien que tu en aies parlé, Bob. C'est cool. Tu m'as convaincu et j'accepte qu'Amaury me paye une bière. Tu vois, moi, je fais à l'occasion. On va lui demander, déjà. Pourquoi il ne voudrait pas? On est super sympa. Ça en fait tellement de bière qu'on doit payer. Écoute, il regarde l'émission, donc le message. Mais c'est un pilote de ouf. Ouais, c'est vrai, c'est malaise pour un pilote. Ok, bon, on va passer à l'album du mois. Ouais, alors je vous fais juste un petit topo, on a déjà explosé tous les temps, je pense. Voilà, c'est juste pour dire. Ouais, c'est sympa. Ah bah là, on vient de faire 5 minutes sur ta news. Hein. Plus de 5 minutes. Et d'accord. Greg, j'avais commencé à la chronométrer bien après qu'il ait commencé. Donc. Ok, on était à 10. Ok. Alors, je vais prendre toi, Jack. Oui, très bien. Premier. Enchanté. Parle-nous de ton album du mois. Ah, alors, mon album du mois. En fait, j'ai réfléchi un peu quand même parce que je voulais faire court et ça va être un peu plus compliqué. En fait, je me suis rendu compte en 2020, et on pourra en parler peut-être plus tard par rapport aux autres sujets qu'on va aborder, mais en fait, en 2020, je crois que c'est une année où j'ai écouté le moins de musique. J'ai vachement peu écouté de musique à cause de tout ce qui s'est passé, de l'ambiance générale, d'autres trucs plus perso qui me sont arrivés. Et du coup, j'ai écouté peu de choses différentes, en fait. Le début d'année, ça a été, je pense que jusqu'au premier confinement, le premier confinement a fait que j'ai écouté beaucoup moins de musique, mais je crois qu'on en avait déjà discuté ensemble dans une émission, je ne sais plus si c'était chez toi, Greg, ou chez nous, à Road to Hellfest. Et du coup, j'ai eu plus de mal à trouver l'album vraiment que je considère comme The Album. J'aurais pu vous choisir le nouveau Tagada Jones, parce qu'en fait, c'est un album que j'ai beaucoup écouté pendant 5 semaines où j'avais plus Internet. Et 5 semaines, c'est long. Et c'était le seul album que j'avais enregistré sur mon téléphone. Mais non, parce que j'aurais bien des choses à dire sur cet album-là, mais je n'ai pas envie de le faire maintenant. Mon album de 2020, pour être plus précis, parce que je crois que tu as dit album du mois, mais je vais plus partir sur album de 2020. Ça serait le dernier Trivium. Oh, quelle surprise! Le mec n'écoute que ça de toute manière. Oui, merci, c'est vrai, moi aussi. Donc c'est le dernier Trivium. Excusez-moi la technique. What the Dead Men Say. J'ai bien saigné et en fait il sans être forcément mon album préféré de Trivium, en tout cas la première écoute, parce que je préfère largement The Sin and Sentences, l'avant-dernier album, donc le 8e, celui-là c'est le 9e, et en fait celui-là je l'ai écouté, j'ai pas arrêté de réécouter et à chaque fois je découvre des petites choses, des petites subtilités. Je suis vraiment totalement fou amoureux des parties de la batterie, parce que je trouve que Alex Bent est un putain de rumeur de ouf qui est arrivé déjà sur le précédent album, et je kiffe vraiment cet album, tant sachant que c'est pas méga ouf comme album. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un plaisir coupable, on n'en est pas là, mais je suis pas en train de me dire ouais, « j'écoute le meilleur album du monde », mais il me plaît. Voilà, je le kiffe. C'est un droit, hein. Ouais, non, mais c'est vraiment, c'est pas genre la claque musicale de l'année, c'est juste que à force de le réécouter et de le connaître par cœur, à chaque fois je découvre des petits trucs, mais c'est un peu comme comme j'ai souvent tendance à le dire, c'est un peu le côté mainstream. Je dis, aïe, ça fait très le nouveau Trivium. On est moins sur le côté violent de Trivium des débuts. Là, on est sur un Trivium beaucoup plus accessible, très, très propre, j'aime bien en dire, très poli même. Il a bien été polissé, il est propre et l'album est exactement comme ça, mais c'est le putain d'album que j'ai kiffé le plus cette année. Et encore une fois, parce que j'aime aussi énormément beaucoup Matéfi, qui fait le méchant sur la photo parce que c'est des métalleux et les métalleux c'est méchant. Alors que quand tu le vois sur Twitch, il est toujours en train de sourire, et c'est le mec qui a l'air le plus cool du monde. Ça me fait aussi beaucoup délirer parce que je trouve que c'est un mec qui est vachement inspirant parce qu'il est tout le temps en train de faire plein de trucs. Et moi, les mecs qui font tout le temps plein de trucs, ça m'impressionne. Mais ça ne rend pas forcément son album bien pour autant. Mais je trouve que c'est un album qui brasse vraiment plein de facettes différentes du groupe. Et je ne peux pas faire autrement que de reconnaître que c'est l'album que j'ai, et d'une, le plus écouté selon Spotify, et que j'ai le plus aimé en 2020. Voilà pour ma part. C'est un album sorti au tout début d'année qui n'a pas forcément... Il a très bien marché en termes de critiques. Je ne sais pas après en termes de genre, mais les critiques presse, en tout cas, ont été assez unanimes sur la qualité de l'album. Mais ce n'est pas la méga grosse révélation ou le méga gros album, voilà. Je crois que c'est même pas mon album préféré de Trivium. Mais bah, bravo. Ah, ben, je l'ai quand même surkiffé. Et je ne saurais que trop vous le conseiller, même si je sais que je suis tout seul ici à méga adorer Trivium. C'est ça, je crois. Dans la liste. Je ne sais pas si l'un de vous l'a écouté également. Pour avoir votre... Non. Non. Eh bien. Non. Eh bien, je vous laisse enchaîner alors, messieurs. Parce que... Merci à toi. Très bien. Et toi, Greg ? Donc là, on parle de l'album de l'année, c'est ça ? Enfin, d'un album qui nous a... Ouais. Oui, un album que tu t'as marqué. Un truc qui nous voilà. A fait kiffer, quoi. Oui, voilà. C'est ça. Voilà. Exactement. Non, bah moi... Non, moi, mais par exemple, si tu devais faire tes tops de l'année, ce n'est pas forcément celui-là. Je ne fais pas ce genre d'exercice. C'est trop mainstream, si tu veux. Moi, j'essaie de... différencier, d'être original, tu vois, c'est un exercice, bref. Donc, alors moi, c'est pas hyper original non plus, mais j'ai surkiffé le nouvel album des Deftones. Donc ouais, c'est pas le truc sorti de nulle part, c'est pas hyper underground, c'est pas... voilà, mais ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé un album des Deftones comme ça, mais vraiment super longtemps. Et il y a un élément qui peut expliquer cela, c'est que c'est le premier album depuis 12 ou 14 ans que les Deftones réalisent avec le producteur originel, Terry Date, qui est le producteur des 4 premiers albums des Deftones. Voilà. Et franchement, mais dès la première écoute, j'ai pris un blast monumental dans la gueule, parce que tout est génial. Vraiment, la voix de Chino est vraiment au top. Les riffs, les mélodies sont vraiment au top. Faut savoir que sur l'album précédent, Gore, Stephen Carpenter n'avait pas beaucoup participé au travail de composition et ça s'était un petit peu ressenti. Et là, du coup, il a repris un petit peu les choses en main, mais enfin, ils ont bossé main dans la main avec le reste du groupe. Mais voilà, il y a Stephen Carpenter qui s'est vraiment réimpliqué dans le projet et c'est vraiment top. Vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré. Alors, il est sorti tard, hein, je ne sais plus exactement. Il a dû sortir en septembre, en octobre. Il est sorti fin d'année, quoi. Mais dès qu'il est sorti, je me le suis écouté en boucle non-stop, quoi. Donc, grosse baffe. Ce nouvel album des Deftones, et ça fait plaisir de les voir revenir à ce niveau de forme. Ils ont pris un coup de vieux, les pépères, la vache. Ouais. Oh, ça va encore, je trouve. Bah là, ouais. La photo est plutôt à leur avantage, quoi. Ouais. Le batteur a quand même bien a bien pris cher. Hein. Il y a la moitié du Photoshop là-dedans quand même. Ouais, du coup, si c'est pas Stéphane qui a composé Gore, c'est qui alors? Bah, c'est Chino Moreno qui a. C'est pour ça. Qui a pas mal bossé sur le truc. Alors, faut savoir que juste avant l'enregistrement de Holmes, puisque c'est son nom, hein, le nouveau Deftones, Chino a fait une grosse thérapie. Et visiblement ça a vraiment agi sur le travail d'écriture. Voilà, il a vraiment été libéré de pas mal de choses et du coup ça se ressent dans la musique et notamment il y a pas mal de sonorités qui font penser à ces side projects Sleep et, non pas Sleep Team Sleep et Crosses. Voilà, ce nouvel album des Deftones a de fortes sonorités des deux side projects de Chino Moreno, et c'est très bien parce que ce sont deux excellents side projects dont je vous conseille à tous vivement l'écoute. Voilà. Merci. Pour ma part, c'est vrai que j'ai un peu décroché de Deftones parce que quand ils sont partis un peu pas dans leur délire, mais ils ont un peu réorienté leur style. Et je pense que l'apogée de leur style, ce style-là, justement, est arrivé avec Gore, où on est vraiment. J'avais un peu l'impression que les mecs planaient complètement et touchaient même plus. Tu voyais bien qu'ils étaient dans leur truc, quoi. Et même en concert, ça passe, c'était pas désagréable. Mais c'est vrai que. Alors, j'ai pas pris autant un blast que toi, mais j'ai quand même écouté ce dernier album. Et c'est vrai que j'ai vu quand même un retour, effectivement, aux sources. Alors, si tu dis que le producteur des débuts était là, c'est pas étonnant, parce que t'as un vrai retour à ce qu'ils faisaient dans leur début. Pas totalement, mais tu as des réminiscences qui sont là, et c'est vrai que ça donne envie de. J'ai pas écouté à fond l'album, mais ça m'a donné envie d'écouter un peu plus. Bah, Terry Date, encore une fois, c'est celui qui est derrière Adrenaline, c'est celui qui est derrière Around the Four, c'est celui qui est derrière White Pony, c'est celui qui est derrière les Pony. Accessoirement, Terry Date, c'est aussi celui qui a produit les deux premiers albums de Limp Bizkit. C'est un mec qui a vraiment compté dans l'histoire du néo-metal, et qui a produit beaucoup de très bons albums du néo, hein. Il a bossé avec Slipknot, il a bossé avec Seven Dust, enfin voilà, c'est un mec qui s'y connaît. Et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas produit un album de métal, et voilà, le voir revenir avec les Deftones, c'est que du kiff, quoi, quand on aime un peu cette période. Est-ce que tu l'as écouté, toi, Bob ? Non, pas encore. C'est étonnant, mais je vais aller l'écouter, justement, parce que vu que je suis assez fan des premiers albums. Tu vas y aller tout de suite ? Oui, je vais y aller tout de suite. Ah, d'accord. Okay. Bon, et bah, on t'attend, et bah, puis t'attend. Tu nous dis ce que t'en penses. Hein ? Salut, pas de souci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On fait quoi, Greg ? Une belote ? Bon, on pourrait manger des nouilles. Ah, j'en ai plus, je suis désolé. T'as pas un petit dessert ? Bah, j'ai mangé. Tu l'as mangé ? Mamie Nova au chocolat. Alors, bon, et tout. Toi, Bob, alors ? Alors, moi, mon album qui m'a marqué, ça va être Mr. Bungle. Le mec, il fait nappe. Excusez-moi. Ah. Donc, on a. On est sur le bon album ? On est sur le bon album. Le dernier album. Enfin, on est sur la bonne démo. Lag. Ouais, c'est ça. Et donc, voilà. Album que j'ai eu en cadeau à la Noël. Que j'ai découvert vite fait. Et je connaissais déjà un petit peu. Donc, pour resituer un petit peu, c'est un projet qui date des début 80. Donc, c'est assez vieux. Et Mike Patton, le chanteur, a rejoint le groupe en 85. Sinon, à la base, je crois que ça a été créé par le bassiste de Melvins, de mémoire. Et Scott Ian a, lui, rejoint le projet en 2000 et quelques, je crois, de mémoire. Donc, il y a du beau monde là-dedans. Ça tabasse pas mal. C'est un bon gros mélange de thrash metal. Il y a un peu de death, il y a du jazz, enfin... Si vous connaissez un petit peu l'univers de Mike Patton, c'est tout à fait dans l'esprit de ses délires, de ce qu'il aime faire. Dead Cross, Faith No More, c'est tout à fait là-dedans. Mais en plus survolté, on va dire. Quoi. C'est beaucoup plus bourrin. Donc voilà. Plus donc, survolté, ça permet... Dead Cross. Je dirais ça à toi. Non, pas Dead Cross. Ah. Non, je te parle. Oui, alors Dead Cross, oui, c'est un peu dans l'esprit. Il y a quelques, on ressent un petit peu quand même. Parce que j'ai cru que c'était ce que tu disais, j'allais dire, quand même, là, survolté que Dead Cross. Ouais. Dead Cross, non, c'est quand même bien barge Dead Cross. Mais on ressent un petit peu quand même le côté, la patte de Peyton qui est là. Et du coup, c'est pas mal hardcore aussi. Enfin, il y a un mélange, il y a un bon gros mélange et c'est détonnant. Franchement, c'est vraiment excellent. Donc, j'ai pas encore découvert les premiers albums, ce que je vais faire incessamment sous peu, parce que je pense qu'à mon avis, ça va être tout aussi barge. Donc, voilà, les bonnes têtes, effectivement. Et je le conseille à tout fan d'un réveil survolté, quoi. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que j'ai à en dire, c'est excellent. Après, à découvrir. Si vous ne connaissez pas, écoutez cet album-là. J'ai été écouté, moi, parce que ouais. En fait, j'avais pas du tout, j'avais complètement zappé la sortie. Donc, quand tu l'as marqué dans le doc, j'ai dit, putain, ils ont sorti un album. Et en fait, c'est quand même un réenregistrement total de leur première démo, quoi. Ouais. Donc, avec plus d'autres choses en plus, avec d'autres morceaux en plus et tout. Et j'ai été écouté. Effectivement, c'est très sympa. Ça va un peu dans tous les sens. Mais justement, en fait, pour ma part, en fait, je trouve que ça fait peut-être un peu trop dans tous les sens. Il n'y a pas la cohérence d'un album pour moi, en fait. Ouais. Bah, c'est un peu ce qui va me manquer. Et que, du coup, mais c'est quand même très, très intéressant et très bien. Mais c'est assez bizarre d'avoir, après autant d'années, ce groupe qui sort ce genre de choses, en fait. Mais c'est quand même assez agréable à écouter. Et puis, tu passes un bon moment parce que c'est bien, bien énergique et il y a des bons délires et une bonne ambiance. Voilà. C'est ça. Et toi, Greg? J'aime beaucoup le t-shirt de Mike Patton. Ouais. Non, j'ai pas eu l'occasion de l'écouter. Enfin, j'ai écouté 2-3 morceaux dans le cadre de ma vidéo là, sur les sorties d'albums, mais j'ai pas approfondi. Mais il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille parce qu'effectivement, bah, vu comme t'en parles, ça donne envie clairement d'aller y jeter une oreille. Puis bon, enfin, vous l'avez sous les yeux, il y a quand même un putain de line-up. Bah grave. Voilà quoi. Les mecs, ils maîtrisent leur sujet. Et puis surtout, visiblement, ils ont voulu se faire plaisir et se taper un bon gros délire. Donc ça peut c'est que être. Ça, ouais. Ça peut c'est que être bien. Ça, quoi. C'est clair. Ça ressemble un peu à la mauvaise blague de fin de soirée. Né les gars, on fait ça. Ah bah ouais, on va enregistrer la démo. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant à écouter, c'est vrai que ça. On voit ça à la patate, quoi. Tout simplement. C'est tout pour nous ? Eh bien, écoute, c'est déjà ça. On va passer à la fameuse... Enfin, la rétro-découverte, mais bon, comme tu l'as dit, on a décidé au sein de la rédac, c'est-à-dire nous tous, hein, de faire un petit moment rétro 2020. Voilà, où chacun aura un petit truc qui nous a marqué dans l'année. Voilà. Au choix, on va commencer avec toi, Jack. Ok, ouais. Encore. Moi, alors je parlais sur mon plan personnel. Bonsoir, enchanté. Suite à une petite pandémie qui a frappé le monde, je me suis retrouvé privé de concerts et en fait, je me suis rendu compte qu'en 2020, je n'ai vu aucun concert. Rien, zéro, pas un. Je devais même mais accompagner. Pas un du tout ? Non, mais pas un. Pas un. Non, mais en fait, toi, tu ne te rends pas compte parce que tu habites dans une ville civilisée. Mais nous, dans notre coin, les concerts sont déjà rares. Ou alors, il faut qu'on se déplace vraiment loin pour aller voir des concerts. Et c'était prévu qu'on aille en voir, et à chaque fois, ils ont été repoussés. Donc, alors, entre janvier et mars, on n'en avait pas vu. Et après, tout a été repoussé. Regarde, par exemple, Ultra Vomit, ça fait 4 fois qu'ils sont repoussés. Alors qu'on devait les voir parce qu'ils étaient y passaient dans notre ville, tu vois. Donc, je crois en plus la première fois, ça se trouve, ils étaient repoussés, c'était hors Covid en plus. Ils devaient passer en novembre 2019 et ça s'est retrouvé en avril 2020. C'était à cause de ça. Non, t'es sûr ? Ouais, de mémoire, je crois que c'est vraiment à cause de ça. Si c'est de mémoire, c'est moi qui ai raison. Donc, je rigole, ça va. J'ai vu aucun concert et en plus, comme j'ai l'habitude et la chance de pouvoir faire des photos de concert, je n'ai fait aucune putain de photo de concert de tout 2020. Et donc, ça m'a vraiment marqué. Une année sans photos, une année sans concert. Alors déjà, on n'a pas eu de festoche, on n'a rien eu. Donc, je ne sais pas pour vous, en termes... Bob, si, toi, je sais. Mais toi, Greg, tu as vu quelques concerts en 2020 ? J'en ai fait quelques-uns, ouais, au tout début de l'année. J'ai eu la chance, du coup, avec le recul, de se dire que malgré tout, avant que tout ça s'arrête, j'ai pu en voir quelques-uns. Après, je ne sais pas quoi dire de spécial par rapport à ces concerts, mais je ne sais pas quel était le but de ta question. Non, c'était plus déjà savoir si, parce que toi, tu as l'air pas un, comme tu avais l'air d'être surpris, mais donc c'est que toi, tu as quand même eu la chance de pouvoir en voir. Très rapidement, qu'est-ce que j'ai pu voir ? J'ai pu voir Dream Theater fin janvier, quand même. J'ai quand même vu Slipknot en février, le 2 février. J'ai pu voir Slipknot. J'ai vu Alceste et le tout dernier concert que j'ai vu, c'était Anvil, 2-3 jours avant le confinement. Donc, ouais, j'aurais vu 4 concerts en. Anvil, ils sont passés où ? En 2020. Ils sont passés dans un petit bar à Lyon qui s'appelle le Rock and Eat. Ça devait être génial, ça. Et pour l'anecdote, j'y étais avec Metallica, les mecs de Metal Orphans. Donc, une bonne soirée, plutôt. On a, ouais, une soirée bien, bien ébréchée, comme on dit. Ah, tu vois, regarde-toi, tu as des souvenirs de 2020. Moi, j'en ai pas. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est ça qui m'a marqué, pour ma part, c'est vraiment ça qui m'a marqué sur cette année 2020, l'absence d'amusement public avec de la musique. Ça bouge derrière toi. En fait, il y a mon chat qui est en train de foutre la merde. Ah, ah putain, bah, c'est bien, ça crée de l'animation. Voilà pour ma part. Ça crée de la vie. Bon, et toi, Bob, qu'est-ce qui t'a marqué en 2020? Ah bah, justement, c'est ça. C'est toute l'absence de, comme tu as pu le dire, Jack, d'amusement. Moi, ouais, c'était plus les festoches, en fait. Parce qu'on avait, on a 2019, pardon, on avait pas mal baroudé sur les festoches. Et là, on espérait vraiment, hein, 2020, que ça allait se passer. On espérait encore sur le graphe Zeppelin. Ouais, vraiment, au mois de septembre. Ouais. Et voire même peut-être... Non, les Saint-Sauveurs, je crois, l'avaient annoncé avant. Donc, mais c'était vraiment le dernier espoir, c'était ça. Hein, qui avait une petite affiche plutôt sympa, hein, avec Lofo, Deliverance, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Black Bombay. Black Bombay. Enfin voilà, quand même, une petite affiche plutôt sympa. On avait vraiment l'espoir. Donc pas de Hellfest, hein, forcément, pas de Motoc, pas de Grave, pas de, enfin voilà quoi, tout était mort. Donc si tu veux, c'est Greg, ça qui m'a vraiment plombé. Bon. Si tu veux, Greg, on a passé tout 2019 à se faire repérer dans les festivals comme étant des mecs sympas, et au moment où on y arrive, 2020 arrive et plus rien. Ah bah, c'est ça. Donc on va être obligé de refaire tout le boulot. Les tours commencer. Ça c'est bon. Allez Zacred, là ça va être compliqué l'année prochaine. Ouais, je pense. Ouais. Ouais, ça va être en coup de goutte. Donc voilà, moi c'est plus ça qui m'a marqué vraiment. Quoi. Après, pas grand chose à dire, hein. Il se passe rien, mis à part quelques petites sorties d'albums. Mais, enfin, pour ma part, après voilà, pour certains, j'imagine que non. Mais ouais, non, c'est vraiment ça. Moi, c'est une année morte de festivals et de concerts aussi, forcément. Hein. Et, voilà, c'est ça qui est mon malheur de 2020. Après, c'est aussi notre faute. On habiterait dans une ville comme Greg, on verrait comme des concerts. Lyon, par exemple. Comme New York. Lyon. Oui, voilà, comme New York. Ouais, New York. On serait pas mal. Ouais, je pense que je préférerais Lyon à New York. C'est... Ça dépend. Donc, en temps de pandémie. Il y a encore des vrais trucs, des vrais petits trucs à Lyon. New York, c'est... Oh bah, New York aussi, attends, je pense que... Moi, je pense aussi, ouais. Il y a des petits trucs à New York, je pense. Mais non, vous êtes à côté. Non. Non. Non, c'est Broadway, c'est tout ça à New York, mais les concerts, que dalle. Tu dis, à mon avis, des petits bars où il y a des petits concerts, il doit y en avoir des sympas. Mais non, regarde, Anduville, il passe à Lyon dans un petit bar. Ouais, ouais, justement, c'est parce que New York, c'est trop gros pour eux, quoi. C'est trop gros pour eux, New York. Alors, déjà, les gars, on n'est pas prêts de pouvoir retourner à New York. Alors, calmez-vous. Lyon, ça reste encore. On peut y aller à Lyon. C'est vrai. D'ailleurs, en plus, j'ai traversé la France au mois de décembre. En fait, Lyon, t'es pas loin de Paris. Hein. Ça doit être pratique pour aller voir des concerts. Ouais, t'es à 2 heures de Paris en train, hein, sur le principe. Donc, c'est pas plus loin que d'aller à Grenoble ou à Genève. Mais tu vois, tu te rends pas compte, nous. C'est bien plus de 2 heures, nous, pour y aller à Paris. Pour aller à Genève, c'est encore pire. Ouais. Donc, tu te rends pas compte de la chance que t'as. D'être avec nous ce soir. Ah, okay. Putain. Et du coup, toi, Greg, alors Moi, l'événement marquant de 2020, c'est ma vasectomie. Non, cool. Blague à part. C'est vrai, bientôt, excusez-moi, je me suis trompé d'émission. Non, bravo. Pas du tout. Attends, mais si c'est vrai, je te respecte. Bah, j'y passe bientôt, tu me donneras des conseils. Non, c'est vrai, toi aussi, je sais quoi. Moi, soirée confession, quoi. Oh putain, il faut prendre l'accent du sud ou l'accent du nord. Pour attendez, on s'arrête deux secondes. Qui est sérieux, parce que toi, Bob, c'est d'utilité publique que tu le fasses. C'est sûr. Quoi? J'ai pas compris. C'est d'utilité publique que tu le fasses. Ah oui. Non, c'est surtout pour moi. Non, mais c'est vrai. Pour nous. Non, parce que moi aussi, j'y pense. Donc, c'est ça qui est marrant, c'est très drôle. On vieillit, les mecs. Bon, désolé d'avoir mis les pieds sur un sujet sensible. Hein. Non. Sur deux sujets sensibles. Exactement. Bien, comme on dit, on coupera hein, au montage. Hein. Aucune chance. Aucune chance. Au démontage, surtout. C'est ça, exactement. Non, moi, c'est un peu en lien avec ce que vous avez dit, c'est que faute de concert, faute de tournée, les groupes se sont rabattus sur le studio pour quand même essayer de garder un peu des revenus et puis tout simplement vivre de leur passion, quoi, produire. Il y a ton chat qui... Non, mais il a vrillé, il me fait flipper, en fait, là. Il me fait flipper. Je pense qu'à tout moment, il va me sauter dessus. Il va m'égorger, quoi. On garde, on coupe pas. Ouais. En plus, j'ai lu dans un bouquin qu'apparemment, si jamais tu décèdes, bah, tes chats te mangent. Ils te bouffent. Voilà. Je vous laisse avec l'info. Ça peut être bien. Ça peut être une belle fin, écoute. Je vivrai en lui, tu vois. Pas longtemps. Tu vivras en lui non, pas longtemps. Mais... Pas longtemps. Bon, excuse-moi, je t'ai coupé pour ça. Non, mais effectivement, du fait du Covid, il y a beaucoup de groupes qui sont rentrés en studio et du coup... Depuis septembre-octobre, on voit arriver une pléthore de nouveaux albums enregistrés pendant le confinement. Alors, très inspirés au niveau des thématiques, forcément. Des trucs assez introspectifs, des réflexions autour de soi-même, autour de la société. Voilà, ça renouvelle aussi un petit peu les thématiques des chansons. Et puis, des albums qui ont été enregistrés souvent à distance. Donc avec un travail de composition un petit peu différent de ce qui se fait d'habitude, peut-être un peu plus l'utilisation de la technologie, enfin bref, peu importe. Il y a pas mal de trucs sympas qui sont sortis et qui vont sortir. Là, c'est assez fou ce qui va sortir sur le premier semestre. Et donc voilà, moi, c'est ce que je retiens, c'est cette production assez folle qui est issue de la crise Covid, quoi. Moi, je peux dire en fait que j'ai un peu zappé tout ce qui est sorti à fin d'année parce que j'ai eu une fin d'année où j'ai un peu tout zappé. Et du coup, je suis assez curieux de d'aller voir maintenant tout ce qui a pu sortir parce que je m'attendais vraiment plus à une grosse sortie en 2021. Mais si tu dis qu'il y a déjà des trucs qui sont sortis fin d'année, j'irais bien me renseigner là-dessus parce que j'ai complètement... Dès le mois de septembre, en fait, l'automne a vraiment été... Alors, décembre, c'est jamais un mois très fort sur les sorties d'albums, mais septembre, octobre, novembre... ça a été de la pure folie, quoi. De la pure folie en production, en qualité. C'est vraiment, vraiment beaucoup de choses. Puis, ouais, ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup de groupes qui ont essayé de trouver comment garder contact avec leurs fans. Voilà, il y en a qui ont essayé d'innover, avec succès ou pas, mais voilà, ça a permis aux gens de se dire bon, on peut rien faire, trouvons des idées pour animer quand même cette période. Je pense qu'on va en parler après, ça, justement. Tu crois ? Non, on n'aura plus rien à dire, sinon. Après, c'est chiant. On est à combien ? 1h30 ? Ah bon ? Je ne sais pas, j'ai pas noté, mais... t'as pas déclenché. Tu me dis quand faut enregistrer, hein, tu me dis. Hein. Ouais, pareil. Hein. T'es autorisé ou pas, l'enregistrement ? Ouais. On peut appuyer ou pas ? On peut cliquer ? Non, mais je crois. Ça clignote pas partout chez vous, moi ça clignote. Hein. Oui. Non. J'ai batterie faible, c'est bizarre. Faut défaire ton sapin. On la garde quand même, mais. Bon, messieurs. Oui. Passons à la question. Ah, débat. Attends, j'ai fait genre transition. Ça tombe bien, Greg, que tu me parles de ça. Ça tombe bien, Greg, que tu me parles de ça. Non, parce que justement, on va passer à la question, le débat du mois. Festival, concert, live on streaming. Comment voyez-vous 2021, messieurs ? Moi, je veux bien commencer encore. J'aime bien commencer. Alors, je vais revenir un peu. Est-ce que Greg, les nouveaux trucs que tu voulais parler, est-ce que donc tu penses que tu pensais aux concerts en streaming, par exemple ? Par exemple, oui. Ouais. Et que je crois t'avoir vu une publication sur Instagram où tu disais justement, est-ce que vous, ça vous intéresse ? Ou t'avais dû poser la question comme ça. Et j'ai répondu quand il n'y avait plus la publication. Et en fait, je me suis posé un peu la même question que toi, mais je m'étais déjà posé cette même question avec tous les nouveaux protocoles, à savoir. Être assis, distanciation sociale, avec un masque. et plus la possibilité de consommer sur place. Bon, ça, c'est quand même le moindre mal. Mais... Et je me suis demandé si j'avais vraiment envie, déjà en 2020, de retourner voir un concert dans ces conditions-là. Et je n'ai pas su trouver... En fait, je n'ai pas su y répondre, en fait, parce que je n'avais pas non plus les grandes possibilités autour de moi. Aujourd'hui, je me demande toujours si j'aurais envie d'aller voir, parce que est-ce qu'il n'y aurait pas un côté... Donc, je vais vous demander à vous si vous avez peut-être vu des concerts en streaming qui sont publics, mais il n'y a pas un côté d'être dans le public et d'être trop loin, en fait, du coup, et d'avoir à, de plus justement voir des gens faire un show, mais d'être à part de show. Moi, c'est vraiment la question que je me pose avec tout ce qu'on a pu voir en 2020. Puisque voir des concerts aujourd'hui assis, ça ne revient pas presque à justement aller voir en streaming. Et cette nouvelle quand même, justement, façon qu'ont les groupes de faire des grands shows en streaming sans public. On ne passe pas à côté de quelque chose. Et pour 2020, pour 2021, si on prend par exemple l'exemple du Hellfest, ça serait intéressant de voir ce que vous en pensez. Alors je vais commencer, je vais me mouiller en premier. Qui c'est qui croit, qui c'est qui croit pas. J'ai beaucoup de mal, et j'en discutais avec Bob l'autre jour, j'ai beaucoup de mal à voir aujourd'hui, dans l'état actuel, un Hellfest 2021 ou même un festival 2021, mais plus particulièrement le Hellfest, je dirais, parce que c'est partie de ces festivals qui a déjà vendu toute leur place, donc maintenant ils ne peuvent plus réduire les jauges. Ils pourraient toujours réduire les jauges par scène, en disant il n'y a que tel temps de personnes qui rentrent, mais ça serait un peu ridicule. Donc je pense qu'aujourd'hui, mis à part s'ils mettent en place le système de carnet à vaccin ou si tu as vacciné, tu peux rentrer, je ne vois pas de possibilité d'organiser un Hellfest dit normal. Et du coup, en fait, je ne vois pas aujourd'hui, je vois pas d'amélioration pour 2021 et j'ai beaucoup plus envie de me dire, tiens, concentrons-nous sur tout ce qui a été mis en place de sorties, voire de concerts, mais je n'ai pas vu de concerts en streaming. J'ai vu à la sortie du Trivium, ils ont joué tout leur album mais dans leur salle de répète. Et en vrai, tu voyais juste des gens comme s'ils répétaient un morceau, il n'y avait pas énergie, donc ce n'était pas le même format. Mais je sais qu'Avatar, le week-end dernier, je crois, ils ont fait un ou deux concerts comme ça en streaming. Je n'ai pas vu. Donc, je ne sais pas. Donc, si quelqu'un a un avis, pour moi, 2021 sera malheureusement un peu trop similaire à 2020 pour ce qui concerne les scènes, concerts et festivals. Hop. Pour ma part, j'avais vu... Le live de Cadavar, tu sais, qui était passé juste au début, je crois, du confinement. C'était assez bizarre. déjà parce que les mecs étaient habillés bizarrement. Mais non, j'ai trouvé ça très, très bizarre de regarder un live dans mon salon. Il y avait celui du Hellfest aussi, tu sais, avec Ultra Vomit. Le Hellfest at Home. Qui regarde les hommes tomber. J'ai trouvé ça très bizarre. Mis à part regarder les hommes tomber, je trouvais ça très bien parce que l'ambiance était vraiment se prêtait vraiment à l'ambiance cocooning du salon. Mais non, pour le reste, je suis pas fan de ce genre de concert. Moi, un concert, ça se vit quoi. C'est faut que ça sente la bière et la sueur, sinon c'est pas un concert. Quoi. Et du coup, tu penses quoi des concerts assis et masqués? Bah. Après, non, je suis pas. Dans ces cas-là, tu as des spectacles prévus pour, quoi. Ou des concertos, ou de la musique classique, ou des ballets. Tu vois, mais la musique métal assise avec un masque, non, je suis totalement pas pour, quoi. Ou contre. Et imagine les quelques concerts. Je me fais l'avocat du diable parce que j'ai dit moi-même que je ne voyais pas forcément ça. Mais imagine les quelques concerts que tu as pu faire dans différents festivals où justement tu étais un peu fatigué. Par la fatigue et que du coup tu t'es retrouvé assis à regarder un concert. On est un peu dans le même cas de figure. Ouais, non, parce que, non, c'est complètement différent de commencer un festival assis. Tu vois l'idée quoi. Oui, je vois. Voilà votre place, vous êtes au 660, restez assis avec votre masque, votre gel hydroalcoolique et bougez pas. Ça sera peut-être pas numéroté. Peut-être le 54, j'en sais rien, ou le 32. Après, je sais pas à quelle place je serai, mais je vois pas du tout le. Même si ça pouvait être un gros groupe, je suis pas sûr que ça m'intéresserait. Quoi. Et 2021, du coup, alors tu le vois comment? Mal. Enfin, je le vois pas déjà parce que il est pas passé. Mais ouais, non, je le vois pas trop le truc s'arranger. En tout cas, on va dire, pour le la première moitié. Voilà, il y a une personne qui expliquait ça justement, que si ça reprenait au 1er juillet, il serait baisé. Mais voilà, non, je vois pas le. Non, ça je sais pas, ça me plairait pas. Après, comme tu dis, ce serait une ambiance assez pesante et assez bizarre, je trouve. Donc non, je pense que je serais pas favorable à participer à un festival comme ça, ou à un concert. Ou. Et toi, Greg, alors? Alors, dans l'ordre, moi, les concerts en streaming, ça me fait chier, en fait. Moi, regarder un. J'ai déjà du mal à regarder les concerts devant ma télé. Pourtant, j'aime bien regarder des vieux concerts de trucs, de groupes qui n'existent plus, de line-up improbable, enfin bref. Mais non, le truc. Moi, je suis comme toi, Bob. Le concert, ça se vit. Tu dois être en cohésion avec le groupe et en osmose avec le reste du public, ta bière à la main, voilà, c'est des conditions qui ne peuvent pas être reproduites par du streaming, et c'est très très bien que ça existe, et c'est bien pour les groupes, c'est bien pour les gens qui apprécient, mais moi en tout cas c'est pas ma cam, donc ça c'est un premier point. Deuxième point, je suis comme vous, je suis pas très optimiste pour cette année 2021, du moins pas le premier semestre. Par exemple, j'avais le débat avec un pote le week-end dernier, je lui disais, mais est-ce que toi, tu recommences à acheter des places de concert? Il me disait, oui, là, j'ai acheté des places pour février, pour mars, enfin le mec, il y croit à fond. Je lui dis, mais moi, même pour le mois d'octobre l'année prochaine, je n'arrive pas encore à me dire que je vais acheter des places, quoi, parce que pour le moment, j'y crois pas. Voilà, pour parler du Hellfest, moi j'y crois plus. J'y crois plus. Ben Barbeau, dans son interview, tout le monde l'a lu, mais voilà, il disait qu'il voudrait pas faire un Hellfest au rabais. Alors, la technique. Voilà, moi je suis un peu mitigé sur cette phrase qu'il a dit, on fera pas un demi-Hellfest. Peut-être qu'on pourrait se dire qu'un demi-Hellfest c'est mieux que rien, mais je suis pas sûr que ce soit rentable pour eux. Oui, mais ça marcherait comment, un demi-Hellfest? Non, mais un demi-Hellfest, c'est-à-dire tu divises la jauge par deux. Ouais. Mais j'ai été surpris par sa tournure de phrase en disant c'est tout ou rien, quoi. Moi, je pense qu'à un moment donné, si on te laisse une porte ouverte, même si c'est qu'un demi-Hellfest, faut tenter le truc, quoi. Au moins pour être un peu les éclaireurs et voir comment ça peut se passer, quoi. Mais, ouais, mais en voilà, vrai, la problématique qui se pose, si on prend vraiment la partie du Hellfest, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est comme toutes les places sont vendues, ils sont déjà baisés, déjà. Ils sont faits, techniquement, ils ne peuvent plus rien faire. En fait, ils ne peuvent pas dire on tire au sort, on retire des gars. Mais la problématique qu'il y a, c'est que s'ils font même des demi-jauges ou un demi-Hellfest, tu fais quoi des gens en attendant? Tu les mets où? Parce non, que... mais ça, c'est sûr. C'est et sûr. Puis pareil, il non, reste non, toujours mais... le problème du camping. Mais ce qui est intéressant aussi, ce qu'il disait, et c'est aussi une autre raison pour laquelle, et j'ai oublié de le dire, et sans voyant l'interview que j'y repense, c'est que, comme il avait l'air de le dire, les groupes ne viennent pas que pour le Hellfest, ils viennent pour faire une tournée. Donc, un festival, ouais, non, et ça, tout ça. Donc, c'est pour ça que je te rejoins sur le fait que, comme toi, je pense que c'est mort, mais je pense que ses propos sont aussi dans le sens où il sait de lui-même qu'il ne peut pas le faire, le Hellfest allégé, pour moi. Je pense que c'est juste surtout ça, en fait, on ne va pas lui laisser le faire. Tout à fait. Mais. Puis, alors, ce qui est surprenant, c'est que dans une vieille interview, il avait l'air de dire que c'est au mois de janvier qu'il devrait prendre la décision de savoir si ça se fait ou pas. Et là, visiblement, il dit mars. Bon, c'est reculé pour mieux sauter. Pour moi, c'est mort. Pour moi, c'est déjà mort. Pour moi, c'est déjà mort. Moi, en ce moment, je surveille beaucoup ce qui se passe en Angleterre. Parce que en Angleterre, c'est bien le bordel, comme vous le savez, en ce moment. Et ils commencent tout doucement à prendre les décisions sur les festivals, les gros festivals d'été en Angleterre, les Glastonbury, et puis même des trucs un petit peu plus petits. Et derrière, ça va faire un effet domino. C'est-à-dire que demain, si le download annule, c'est une bonne partie de la tournée qui est foutue en l'air pour la plupart des groupes qui seront au Hellfest. Et du coup, ça peut remettre beaucoup, beaucoup de choses en question. Et très sincèrement, moi, j'y crois plus une seconde au Hellfest. Pour moi, c'est mort pour cette année. C'est dramatique, mais pour moi, c'est mort, quoi. Et qu'est-ce que tu penses d'un Hellfest déplacé à septembre-octobre? C'est comme on parlait tout à l'heure, enfin, comme vous disiez tous les deux que le premier semestre pour vous était déjà mort, peut-être en fin d'année. Donc, comment serait-ce fin Eh d'année, par exemple? ben, après, comment dire, toutes les. Il faudra pas faire les difficiles à un moment donné, quand les concerts ils vont reprendre, ils reprendront peut-être pas dans l'état dans lequel on les a quittés, si tu veux. Oui, voilà, ça c'est sûr. Donc tu vois, pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, moi, si demain on me dit OK, tu peux aller faire un concert, mais par contre, ce sera assis, un siège sur deux, interdit de se lever, interdit de boire ta bière. Il y aura 500 personnes dans la salle, et puis si, et puis ça, faudra te laver les mains, et puis si, bah moi j'y vais parce que ça me manque trop, quoi. Et que même si ce ne sont pas des conditions optimales, il va se passer combien de temps avant qu'on voit un concert dans des conditions optimales, sérieux? C'est là où je suis d'accord avec Moi, toi. je suis pas prêt à attendre 3 ans pour retourner voir un concert, quoi. Donc, si derrière on me dit, bah, tu vas être dans une bulle hermétique, enfin, tu vois, je schématise à l'extrême, mais. Ouais, non, non, mais moi je te rejoins en fait. Malgré que je disais que je savais pas, en fait, j'arrive, je pense pas que j'aurais envie, mais que je le ferais quand même en fait, tu vois. De me dire, bah tant pis, il vaut mieux y aller quand même, quoi. C'est mieux que Tu vois, rien. il y a 6 mois, je disais, jamais j'irai, je ferai un concert avec un masque. Il y a 6 mois, c'était le discours, je tenais, je disais, mais là vous planez, jamais je ferai un. Bah, moi, aujourd'hui, je suis prêt à faire des concerts avec un masque. Si ça me permet d'aller faire un concert, voilà. Mais après, c'est Ah, chacun bien sûr, bien vit le sûr. truc à sa manière. Mais moi, pour en revenir sur le Hellfest, je suis un peu emmerdé pour eux parce que même si je pense qu'il n'y a pas un danger majeur, ça va être compliqué, Oh, bah, une c'est deuxième clair. édition. Et très sincèrement, vu le bordel que c'est en train de devenir au niveau mondial, je pense que des annulations, il va y en avoir. Il va y en avoir. Les gros, gros groupes, les grosses têtes d'affiche vont commencer à annuler. Les Américains ne se déplaceront pas en Europe cet été. Il faut arrêter de penser que System of a Down, ils vont se pointer en Europe pour faire une tournée avec la moitié des dates qui seront annulées, avec un contexte sanitaire qui sera peut-être. J'y crois plus. J'y crois plus. Sachant qu'on n'a même pas de vis-à-vis sur 15 jours, 3 semaines maintenant, c'est sûr que sur plusieurs mois, c'est Et puis, impossible. qui va prendre le premier, le Oui, le risque? risque. Dire, bah, moi, j'y vais. Imaginez le bad buzz, même si le Hellfest peut survivre à toutes les polémiques, mais demain, il y a un cluster qui se crée à Clisson, qui aura peut-être des répercussions sur la population qui héberge une grande partie des festivaliers. Mais imaginez le scandale sanitaire que ça peut représenter. Imaginez. Oui, C'est j'imagine. enfin, Non, mais donc je c'est sûr. Mais est-ce que, par exemple, toi, Greg ou Bob, est-ce que vous voyez des solutions envisageables, même un peu surréalistes, qui permettraient de rendre ça faisable? Ou c'est vraiment juste qu'on voit bien qu'il y a zéro possibilité et que c'est mort? Parce que moi, c'est un peu comme ça que je vois. En fait, je ne vois rien de lucide, en fait, je vois rien d'acceptable dans ce qu'ils vont pouvoir faire, quoi. Parce que je pensais à ça, mais. Tu disais tout à l'heure le côté risque sanitaire, le côté de créer un cluster, mais sans compter que le Hellfest, c'est international, donc il y a des gens qui viennent de partout. Donc là, il n'y a même plus que des Français qui viennent se mélanger à d'autres Français. Et ça va créer d'autres problèmes, quoi. En termes de circulation du virus, j'entends. Et de ce côté-là, bah, c'est pareil, c'est pas viable, quoi, en fait. Tout à fait, tout à fait. Non, mais ça ne peut pas fonctionner. Et éthiquement parlant, ça ne peut pas fonctionner. À date. Et pourtant, c'est vrai qu'on entend même des autres festivals en France, on n'entend pas beaucoup de communication. Donc, je pense qu'ils sont comme nous, en fait, ils sont encore plus même à attendre et dire, bah, vas-y, annule le premier, quoi. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est de la com, c'est-à-dire que tout le monde, enfin, je suppose, hein, Oui, non. je suppose, mais moi, je On pense que sait tout bien le monde. que tu sais, mais que tu ne veux pas le Non, dire, mais tu non, non, mais supposes. tout. Moi, je vois bien le truc où tout le monde sait qu'il n'y aura pas de festival cette année, mais qu'il y a tellement d'enjeux financiers en termes de com, ils ne peuvent pas balancer là au 15 janvier qu'il ne va rien se passer cet été, quoi. Donc, ils disent, ouais, on verra, on se laisse le temps, on va voir comment ça évolue, voilà, il joue la montre, mais à l'arrivée. Ah, mais toi, quand tu vois Ben dans l'interview qui dit que tout le monde bosse à 100% comme si c'était bon, je peux encore tenir jusqu'au mois de mars, enfin, ça paraît tellement surréaliste. Mais j'en doute pas qu'ils bossent à 100%. Il suffit de regarder. Alors moi, je prends l'exemple de Lyon. Là, on a une asso qui s'appelle SLH qui organise des concerts métal. Ils annoncent des dates à tire-larigot. Donc, ça bosse. C'est-à-dire qu'ils sont en contact avec les groupes, ils sont en contact avec les salles, ils organisent des dates, ils organisent des tournées. Ça bosse. Mais ça bosse pour à l'arrivée, à mon avis. Ils sont obligés de bosser, t'es obligé. Ah, mais du coup, ça se passe comment alors? Parce que si tu sais en ton fort intérieur que c'est mort, mais que tu bosses pour faire des trucs, t'es mené par quoi? Par une foi ou par dire bah, peut-être que... Bah, t'es mené par un contrat de travail qui fait que t'es obligé de faire ton taf à un moment donné, quoi. C'est pour ça qu'ils me reprochent autant de trucs comme ça. Juste à titre, je fais une petite parenthèse, mais demain, normalement, je bosse. En fait, ils ont changé mes horaires et moi j'ai dit bah non, c'est trop tard. On est prévenu trop tard, je viens pas. D'ailleurs, ton patron regarde l'émission ce soir. Je lui ai dit, je ne peux pas, mais je ne veux pas entre nous. Donc je ne peux pas par la force des choses. Il m'a dit très bien, on saura s'en souvenir. Je dis bah d'accord, souvenez-vous-en. Tu vois, je suis désolé, mais je baissais la tête en fait sur Twitter. Alors, ça ne va rien rendre, mais en fait, il y a un... Je ne sais pas si vous voyez. Non, c'est à l'envers. Hein. Allez. C'est à l'envers. Non, mais je vois, selon vous, le Hellfest va-t-il avoir lieu dans un truc comme ça ? Putain, t'arrives à voir ? Va-t-il se tenir en juin ? Va-t-il se tenir en juin ? Donc voilà. Alors, c'est un sondage qui a été fait par l'hebdo Sèvres & Maine. Donc, Sèvres & Maine, c'est le... Voilà. Hein. Vous connaissez ou pas ? Vous le lisez tous les matins ? Moi, je suis abonné, perso, après. Et donc voilà, ils ont fait un sondage très simple. Hein. Selon vous, est-ce que le Hellfest va-t-il se tenir en juin ou pas? Et les gens ont répondu non à 82%. Et là, c'est des gens locaux. Quatre. Hein. C'était les... quatre, ça compte pas. De quoi? Ils étaient quatre à voter. Non, ils étaient un peu plus. Mais tu sais, c'était... Voilà. Non, mais c'est intéressant. Important. Et donc, du coup, en dehors du Hellfest, est-ce que tu penses quand même qu'en fin d'année... Bob aussi, hein, parce qu'il y aurait quand même une chance de revoir des concerts. Parce qu'en fait, moi, ce que... Alors, je vais vous dire, là, je vais faire le côté de mec un peu vénère. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai traversé la France pour aller à Montpellier. Et en fait, j'ai été choqué de voir dans le train, il n'y a pas de distanciation sociale. Dans le train, tout le monde est blindé dans un petit espace, la pompe masque et tout, mais à côté de ça, pourquoi ils empêchent les concerts et pourquoi ils empêchent les salles de cinéma et d'autres trucs, hein, à partir de ces trucs-là, donc il y a quand même une certaine forme d'hypocrisie quand même dans tout ça, à un certain niveau. Est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de... Grosse hypocrisie. Oui, mais comment elle peut justifier dans ce cas-là? Parce que à quel moment les cinémas étaient devenus des clusters particuliers et les salles de concert qui se démènent comme tout pour arriver à faire des spectacles avec une distanciation sociale, on ferme les bars, mais vous pouvez venir et tout. Pourquoi ils rouvriraient plus tard? À quel moment ils vont dire, voilà, c'est bon, il y a tant de cas, on peut rouvrir tel ou tel truc? Le 2021 ne sera pas comme 2020, une année à moitié morte. Complètement. Tu vois, j'en discutais avec John Schaeffer l'autre jour, et il me disait que par rapport au Covid... Lui, il était plutôt bon, vu au Capitole, là, j'ai pas trop le temps, mais... Non, mais en fait, j'ai du mal à réaliser que... je suis comme vous, je suis révolté de voir que d'un côté, les centres commerciaux sont blindés. Enfin, moi, au mois de décembre, quand j'ai vu l'état de la Pardieu, je me suis dit, putain, mais c'est un sketch, quoi. Et puis, à côté de ça, on t'interdit d'aller au ciné en étant un siège sur deux avec ton masque. Oui. Enfin, tu vois, il y a des incohérences folles, quoi. Même au musée, tu peux pas aller... Bref. Mais j'ai du mal à croire à un complot généralisé contre les restaurateurs et contre la culture, quoi. Il n'y a aucun intérêt. Non, ça, j'y crois pas non plus. Mais il y a juste quand même un truc qui avance à deux niveaux. Ou alors, c'est parce qu'ils sont incapables. Ils disent, bon, on va fermer la moitié là, comme ça, on va pouvoir gérer l'autre partie. Mais je pense qu'il y a des lobbies qui sont plus forts que d'autres. Bah, ça, c'est sûr. C'est sûr. Tu sais, la culture, ça pèse que dalle. Enfin, quand je dis ça pèse que dalle en termes de lobby, hein, en termes d'emploi, hein, parce que c'est énorme en termes d'emploi. Mais je pense que quand des groupes comme Carrefour, Unibail ou des trucs comme ça, ils tapent du poing sur la table à Bercy, bon, bah, tout le monde baisse son slip et puis tout le monde dit amen, quoi. Par contre, quand tu as trois intermittents qui débarquent dans le bureau de Bachelot, bah, écoute, qu'est-ce que tu veux qu'elles te disent, quoi. Déjà, moi, je n'irai pas dans le bureau de Bachelot parce que bon, tu te doutes bien que ce n'est pas lui qui va faire quelque chose, quand même. Malgré... Non, mais je schématise, mais voilà, je pense qu'il y a des enjeux financiers, des lobbies qui sont... il y a un réel déséquilibre de rapport de force, quoi. Malheureusement. Malheureusement. Mais oui. Après. Voilà, bon, bah, pessimiste, hein, donc on ne se verra pas au Hellfest. On se verra pas au Hellfest cette année, alors, mais non. Non, mais je pense qu'on va être obligé de venir à Lyon, il ne va pas y avoir le choix, parce que jamais on va dire de venir par ici, il fait trop froid. Mon GPS, il ne trouve pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Putain, tu prends la Manche, tu suis la Manche, la mer, la Manche, et puis tu arrives au moment, c'est sûr. À un moment donné, tu vas arriver. En Laponie. Non, mais avant la Laponie, tu t'arrêtes avant. Quand tu es encore un peu loin. À quelques centaines de mètres. Tu mettras des ballons sur la route. C'est par là. Jack et Bob, par là. Jack et Bob. On mettra un clown. C'est peut-être pour les bons Jack et Bob. Non, mais c'est triste parce que putain, ça arrive quand même sur une année où t'as Rage Against the Machine qui se reforme. Ça mais arrive... ils en sont où d'ailleurs? Parce que ils font des... c'était l'année dernière qu'ils se sont reformés, mais là, du coup... Oui, je pense aussi. Mais du coup, ils ont dit stand-by et on voit plus tard. Ouais, je pense que c'est reporté, mais tu vois, je fais une parenthèse sur Rage Against the Machine. Moi, je suis hyper déçu par le groupe. On avait eu le débat à l'époque qui avait signé un gros deal avec Live Nation pour sa reformation, pour sa tournée. Et puis Live Nation, c'est pas forcément compatible avec les idées de Rage Against the Machine. Mais là, on les entend pas avec tout ce qui se passe, quoi. Putain, c'est le moment d'aller jouer dans la rue et de. Franchement, c'est bizarre. Moi, je suis. Après être passé dans Prophet of Rage, moi, vraiment, je suis surpris que ce soit. Ouais. Non, mais tu vois, si un mec comme John Schaefer est capable de rentrer dans le Capitole, putain, mais Tom Morello, il devrait être capable de jouer de la gratte, je sais pas où, pour faire passer ses idées à lui, quoi. Bah, c'est ce qu'il a fait. Il a créé un groupe, Prophet of Rage, pour faire passer. Je te parle de là, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. C'est très bien ce que tu dis, mais moi, en fait, en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, ça me surprend pas. Dans le genre, bah ouais, mais bon, ils ont plus pour l'arrache, ces gens-là. Et ils vivent sur un truc. Peut-être que Tom Morello, il est peut-être pas autant engagé que ça, quoi. Parce que du coup, on l'entend vraiment pas pour le coup. Moi, je l'ai pas entendu. Alors, pour l'anecdote, Tom Morello, un de ses tout premiers jobs, alors, il a été stripteaser. Hein, au tout début, quand il était étudiant, il était stripteaser. Et ensuite, il a bossé dans un cabinet d'un sénateur à Washington. Il était assistant parlementaire d'un sénateur. Et en fait, c'est dans le cadre de cette expérience qu'il a découvert que les politiques étaient corrompus. Et c'est ce qui aurait donné son envie à sa vocation de monter un groupe et de faire tout ce qu'il a fait. Et pour l'anecdote, il est, je ne veux pas dire de conneries, il est petit-fils ou neveu, je ne sais plus, du premier président élu du Kenya, je crois. Waouh. Eh ben, qui l'eût cru ? On se cultive en passant un bon moment. Putain, c'est hallucinant. C'est ouf. Non, mais voilà, donc tout ça pour dire que Morello, je pense que c'est un mec qui a des vraies convictions politiques, mais qui aujourd'hui, il est juste à faune. Moi, je suis d'accord avec toi, il a des vraies convictions, mais bon, de temps en temps... Il regarde Netflix, c'est normal. Moi aussi, je regarde Netflix. Je ne juge pas. Bon, lui, je pense. Oh non, je regarde pas mal Netflix. Voilà. Bon, est-ce que vous avez d'autres... Est-ce que vous avez au moins quelque chose... Donc, personne n'a de l'avenir pour 2021. Donc, on dit que c'est mort. Donc, voilà. Donc, on part sur une année à faire des émissions où on va juste parler des choses autrement. On se revoit en janvier 2022, au pire. Une émission par an. Plus optimiste. Putain, et ça, c'est un concept. Hein. Écoute, ça va peut-être falloir muscler le jeu. Chaque parce début d'année. Par an, ça va peut-être falloir mettre un peu plus. Là, on est peut-être un peu léger pour une émission par an. Ah, ça manque un peu de préparation, tout ça, moi, je vous le dis. Il va falloir. Mais bon. Alors, Bob, qu'as-tu à nous proposer dans la suite de ton. Ah, dans la suite. Vous avez une idée de combien ça fait de temps, là ? Comment ? Vous avez combien de temps, vous, d'enregistrement ? Moi, j'ai pas de temps, moi. Pas non plus. Ça bouge même plus. Non, j'ai pas de temps, moi, qui s'active. J'ai un message de Ben là qui dit fermez vos gueules, bande de connards, vous allez me porter la poisse. Ah ouais, bah écoute. Il regarde aussi. Coucou. Il regarde le direct là. Donc, salut, ben. Il doit être avec Gojira. Ben, si tu nous entends. Ça doit être ça, Evian. Salut. Ouais. C'est tous les deux d'ailleurs. Et avec toutes les interviews que tu as faites, tu l'as pas encore eu, Ben. Hein. J'y travaille. Nivea n'est d'ailleurs. Ou peut-être que je l'ai faite, mais je ne l'ai pas diffusée. C'est ça. Eh, mais je ne sais pas ce que vous avez avec Gianni. Ton petit secret. Je n'ai pas dit un truc en me disant, mais ce n'est pas du tout à mon avantage. Je vais dire, je ne sais pas ce que vous avez avec Gianni. Moi, je l'ai vu deux fois en concert. Et je me suis dit, non. Oui, mais. Ouais. Je comprends mieux la vasectomie maintenant. C'est ça. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Alors, je te rappelle, Greg, je fais des photos de concerts. Et c'est important de faire des photos de tous les concerts. Ouais. Et accessoirement, j'ai accompagné madame. Mais la question n'est pas là. Mais tu ne te justifies pas. Les goûts et les couleurs, moi, je respecte. J'ai jamais dit que j'aimais bien. Hein. J'ai vu plein de choses que je n'aimais pas en festival. Il n'y a pas que des festivals de métal. Hein. J'ai même vu des trucs que je n'aimais pas en festival de métal. Donc. Par contre, quand tu posteras la vidéo dans les tags, tu mettras hashtag Vianney quand même. Hein. Ça ne me dérange pas. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un de très charmant. Ouais, c'est vrai. Ouais, je pense qu'en fait. Ah ouais ? Eh ben, vous savez quoi ? On va la voir dans une prochaine émission et vous allez bien fermer vos gueules. Parce que j'aurais pas plus de trucs à lui dire, mais il sera là. Hein ? Allez. Bon, on n'a rien à lui dire. Sur la chaise là, qui est juste derrière toi. Là. Voilà. C'est ça, ouais, puni. Bah, je pourrais. Hein. Cap, hein. Cap. Mais après, il faut que je le nourrisse. J'ai plus de nouilles, alors bon. Bon, Bob, bah, enchaîne. Parce que... Ah oui, j'en ai encore peut-être. Fondre au chocolat. On donc, voilà. Il est gentil. Donc, la reco, avez-vous un petit groupe, un film, un youtubeur à suivre, un petit podcast à écouter, un livre à lire, une bière à boire, hein, donnez-vous vos grosses attentes pour 2021. Voilà. Je te rappelle quand je t'ai dit, tu n'es pas obligé de tout lire, tu as marqué. J'ai pas tout lu. Bon. Il y a des parenthèses, il y a des petits points. Il y a des petits sourires. Des petits hashtags. Eh ben, vas-y, Greg, commence sur... Oh non, bah non. Ah, non, allez. T'as même pas une petite proco à nous faire ? Un petit groupe. Mais si, il l'a dit en plus. Attends, bougez pas. Non, mais bah, commence, Bob. Je prépare pour... Ah, mais j'ai rien à moi recommander. Moi. Ah si, j'ai vu un film plutôt sympa, c'est Jojo Rabbit. Je vous le conseille. Ok. Voilà. Très bien. Très sympa. C'est émouvant, c'est drôle, c'est bien foutu. Voilà, Jojo Rabbit. On est un peu très, très large. Bah écoute, partie de la reco. Hein. Oui, je m'attendais un peu à autre chose comme... Non, en fait, pas assez métal. Non, mais comme on avait dit... Ah oui, il est métal, Vianney. Ah, désolé. Déjà, bon, il est plus métal. Bah, nouvel album de Vianney, tu peux recommander. Pire, tu mets du Gojira sur la... Hein, sur Jojo Rabbit. Non, mais tu peux faire une belle vignette avec Jojo Lapin, Gojira, Vianney. Alors ça, c'est ta spécialité, Greg, et je ne veux pas te voler ton talent. ça m'embêterait de prendre ta petite spécificité. Non, mais en termes de Rocco, on était plus aussi parti sur quelque chose qu'on attendrait de particulier en 2021. Et c'est là où il me semble... C'est ça. Que Greg, ouais, il y avait quelque chose... Hein. Ouais, alors c'était vite fait, mais effectivement, si les concerts reprennent, moi je m'étais noté un truc pour cet automne. Ah bon, quoi donc ? Le mois d'octobre, en l'occurrence, il y a Marion qui va faire une tournée, mm-hmm. qui devrait faire une tournée en France, et notamment une date au Zénith le 17 octobre avec un spectacle qui s'annonce. Alors, ils n'en disent pas trop pour le moment, mais qui s'annonce assez extraordinaire. Le Zénith, Zénith de Paris, c'est quand même une grosse salle pour un groupe comme ça. Et visiblement, il y aura un vrai show, un orchestre, des écrans géants, enfin vraiment un truc qui serait... Ils parlent même de tourner le concert pour une sortie prochaine. Enfin bref, moi, Marion, c'est vraiment un groupe. J'ai pris une grosse baffe en les voyant en concert fin d'année dernière. J'aime beaucoup ce groupe. Et limite, je me tâtais à monter à Paris le 17 octobre pour aller voir cette date qui m'intrigue au plus haut point. Et je trouvais le nom de la tournée assez un joli clin d'œil par rapport à cette année de merde qu'on vient de vivre. C'est vrai qu'il est plutôt bien trouvé. Et puis c'est courageux en plus d'annoncer ça, parce que c'est pas qu'une seule date, on annonce plusieurs. Donc, Exactement. Donc oui, c'est un des trucs que j'espère que tout ça sera derrière nous pour pouvoir aller à ce concert. Eh bien écoute, je te le souhaite également. Mais... C'est une bonne reco. Du coup, je vais passer à moi qui n'est pas vraiment une reco. Mais en fait, c'était la suite logique de ce que toi, tu as dit dans tes points de 2020. En fait, c'est moi, j'ai hâte de voir tout ce qui a pu être créé pendant cette année de merde. Jusqu'où la créativité a été poussée, de voir ce que ça va amener de nouveau. J'imagine, je sais pas, des nouveaux super groupes mélangés, de juste de gens qui disent bah, ça fait des années qu'on veut travailler ensemble, on n'a jamais eu le temps, là on a. Donc, je pense que c'est vraiment ce qui va ressortir aussi de cette année 2020, en 2021, plein de nouveaux groupes ou de nouveaux albums. Donc ça rejoint. En fait, moi je suis. En fait, sachant qu'en 2020, j'ai peu écouté de musique, j'aimerais vraiment, pour 2021, retrouver le plaisir et la grosse consommation de musique pour redécouvrir des choses et plein de nouvelles choses. Là, du coup, c'est vraiment ce que moi, je voudrais retrouver en 2021. Voilà. Plein de bonheur dans vos yeux. C'était beau. Non, mais c'était magnifique. Je sais, des fois, c'est triste quand tu décroches d'un truc que t'aimes. C'est pas facile. Et la musique, j'avais un peu décroché, ça m'avait manqué, quoi. C'est vrai qu'on a quand même eu pas mal de très bons albums en 2020, contrairement à quelques surprises même, et puis un nouvel album de la CDC. Et à côté de ça, il y a eu... Voilà. Là, en fait, j'ai envie de nouveautés, de vraiment être surpris par plein de trucs, quoi. Ouais. C'est beau. Merci. Ah, c'est fou. Du coup, Bob, t'es toujours sur Jojo Rabbit? Non, mais moi pareil, j'ai envie d'en retrouver beaucoup de choses, mais voilà. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise pour 2021? Qu'est-ce que je souhaite? Eh ben, voilà, des concerts, de la musique, de l'amitié, la paix dans le monde, alléluia, la paix, l'amour, non, la paix, non, c'est con ça, les fleurs, les petits poneys, voilà ce que je souhaite pour 2021. Non, c'est déjà bien, hein. Moi, j'aimerais bien avoir un rétroprojecteur pour 2021, mais ça ne vous intéresse pas. Moi, c'est pas bien. Mal. C'est pas con. J'ai vu des petits. Enfin, bref. Très bien. Voilà. Eh bien, merci à vous. Eh ben... Merci. Ah, je pense que là, on doit être pas loin des 40 minutes. Là, hein. Ah, je pense qu'on est plus autour des 35, mais je peux me tromper. 35 mm-hmm. Bon, on va traîner un petit peu. Alors. Par personne. Hein. Par personne. Oui, c'est ça. Ouais. On pourra dire que c'est donc un bel échec, mais c'est ça qui est... Non, mais c'est un pilote. C'est un pilote. C'est ça. Un pilote. On ne peut que s'améliorer. Moi, ce que je propose, c'est que pour les prochaines émissions, on prend moins des sujets un peu plombants. Ouais, ce serait pas mal. Un peu plus joyeux. Des trucs un petit peu plus cool. Genre, je l'avais dit dans nos délires, mais genre, qu'attendons-nous d'un nouvel album d'ACDC? Par exemple, ça, c'est drôle, c'est fun. Il y a Jojo Rabbit aussi. Il y a Jojo Rabbit. Aussi, ouais. C'est sympa. Un album de Jojo Rabbit. Mais voilà ce qu'on peut attendre pour 2021. En duo avec Vianney. Et voilà. Pour une musique de Gojira. Gojira. Oui. C'est pas mal. Voilà, le concept, il est là. C'est pas un nouveau podcast même. Ça pourrait être un nouveau... Non, en tout cas, moi je pense qu'on peut voter à l'unanimité que Bob fait un excellent maître de cérémonie et qu'il faut qu'il le reste à l'avenir pour l'ensemble. Ça. Non, il faut qu'on teste tout le monde avant. Non, il n'y a pas besoin. Si. T'as mis la barre, mais regarde, oui. Même là, tu vois, là on non, la voit même on pas. La voit plus. Non, on la voit plus la barre, c'est fou. Comme ça, là, tu vois. Non, mais si, je pense. Ouais, c'est, qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus, nous? Bah, rien. Voilà. Moi, non, vous êtes vaches, les gars. Non, en plus, non. Non, moi, je pense qu'il faut tester tout le monde et qu'après, on vote vraiment, qu'il y a un vrai vote. Bah, ça n'a plus d'intérêt, soit on tourne tout le temps, soit... Alors, je sais très bien que de toute façon, vous serez deux contre... Non, parce que déjà, on va faire un vote dans l'hebdo Sèvres et Maine. C'est ça. Demander à la communauté de voter. Bob, toujours ou pas? Bande de salauds. Ah, mais... Non, en plus, c'était sincère. C'était sincère. Parce que tu as tenu le fil rouge et tout. Non, c'est bien. Ouais. Bah, j'essaye. Hein. J'excelle pas du tout là-dedans. Hein. J'ai jamais fait ça. Moi non plus. Ouais, non, mais toi, tu le fais derrière un micro. C'est différent. Moi aussi. Non, mais toi, tu le fais derrière un micro. C'est toi que je pointe, là. Tu vois toi, pas toi. Il faut mettre ton doigt si tu veux pointer quelqu'un. Non, mais tu t'en sors très, très bien. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on se dit pour la suite? Est-ce qu'on valide ce concept? Est-ce qu'on... Ouais, grave. Avec... Alors moi, je valide totalement, mais avec moins de trucs plombants, peut-être. Voilà, c'est ça. Avec plus là, de trucs sympas. Là, on est mal tombé. J'avoue que c'était mon idée un peu de thématique. Je trouvais appropriée, mais bon, elle est un peu... Ouais, je pense que... Mais bon, il fallait passer par là. On n'a pas en eu fait, trop le choix. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, on peut dire la vérité, c'est qu'on espérait que Greg vienne nous rapporter un peu d'espoir. Et en fait, il nous a juste donné l'appel. Allez-y, les gars, creusez. Ok. <C'est ça. rire> Moi, je ne voulais pas. C'était un peu... Ouais. Mais... Ça prouve qu'on pense un peu tous la même chose et qu'on n'est pas... Voilà. Moi, je pense que l'idée est bonne, hein, mais il faut des trucs un petit peu plus... joyeux, faut... Voilà, un peu plus coloré. Non, mais juste une thématique sur laquelle échanger. Après, il n'y a pas... là, c'était vraiment un cas particulier qui nécessitait... malheureusement, c'est... Oui, tout va aller mieux, on espère. Soit, non, moi, j'y crois pas, voilà. Ou alors, tu vois, pour garder l'attention jusqu'à la fin, on devrait dire, voilà, à la fin de cette émission, on va vous dire... précisément quand vont reprendre les concerts. Tu vois, les gens... Putain, Non, mais tu veux dire, à la fin de cette émission ? De cette émission ? Ouais, de cette émission. Ouais. Ah, non, parce que sinon, il aurait fallu dire beaucoup plus tôt. Que là, maintenant, les gens, ils ont vachement moins à attendre. C'est vrai. Ils ont écouté le plus gros, déjà. Tu fais un texte, au pire. Tu le colles au début. Ah ouais, couper, ouais, et donc, à la fin, il faut qu'on coupe d'un coup sec. Comme ça, tu fais comme dans tous les trucs. Alors, les concerts reprendront, là tu coupes. Le 26. Il y a un truc. Donc là, ça sous-entend qu'il va falloir que je fasse un montage pour couper les parties où on est en train d'en parler. Et c'était la thématique de la soirée, couper les parties. Tu vois? Exactement. Et la prochaine fois, on sera tous coupés et on saura. Ce sera formidable. On pourra échanger. Ah, tiens, voilà quelque chose de gay qu'on pourra échanger la prochaine fois. Ouais, mais en vrai, je pense que parler de nos vasectomies sera plus joyeux que de parler de concert ou pas concert en 2021. Il fera peut-être plus de vues. En même temps, ça peut faire plusieurs témoignages. Alors, sac de glace. On fait une belle vignette, on met un titre hashtag un peu putaclic, oser la vasectomie. T'as vraiment un problème avec les vignettes. Hein. La vasectomie S-Metal. Voilà. Oui. Mais là, il faut trouver même des gens qui l'ont fait à vif eux-mêmes. Non. Mamdes Wild. Oui, elle va être tout sauf métal. Hein. Elle va être vraiment ridicule. La nuit dehors. Non, mais moi, c'est le principe concept. C'est bien, je valide. Est-ce qu'on part donc sur une par mois ? Ou une par quoi, si vous voulez. Je suis pas... Allô ? Oui ? Allô ? J'entends. Allô ? Allô ? Ah, et putain, voilà. Je capte plus, merde. Ça va juger. Sous un tunnel. Alors, on peut pas tenter des blagues de merde. Très bien. Je suis déçu. C'est pas grave. Ouais, donc, une par mois, ça vous va ? Hein ? Allô ? Blague. Non, c'est pour... Mais oui, bien sûr. Du coup, on fait comme on a dit, alors, genre en février, on revient sur l'actualité mois de janvier. Je les ferai que mois de janvier. Vraiment pas beaucoup par mois. Hein. Non, c'est sûr. Non, mais on part sur ça, comme ça, on regarde. Et par rapport du coup au dossier ou machin, on fait comment alors ? Est-ce qu'on propose des trucs, on décide entre nous ou... Bon, ça laisse un mois quand même. Je pense qu'il y a moyen de... Et est-ce que du coup, on continue de parler de ça pendant qu'on s'enregistre dans l'émission ou... Ouais. On se dit comme ça. Attends, il faut d'abord tu finis, hein, finis ton émission. Hein, bah. Ah, alors oui, alors, salutations. Il est dépité. Eh bien, voilà, c'est la fin. Enfin, j'espère. Hein, non, déjà ? Déjà, déjà. Ça fait que 2h30 qu'on enregistre. Ça passe vite. On n'est aucune idée du temps. Il est 2h45. En même temps, avec les problèmes techniques, on a passé à peu près 3/4 d'heure. On t'a regardé manger une demi-heure. Ouais, c'est ça. Et vous n'avez pas voulu partager le repas. Je suis désolé, moi j'ai proposé. On ne peut pas me reprocher, je suis inattaquable. Non, je ne suis pas trop l'étage. Voilà. C'est la fin. Merci, messieurs. C'eût été sympathique. Merci à toi, Bob. De vous recevoir chez vous. Mm-hmm. Et tu te demandes où est-ce qu'on peut nous retrouver, par exemple? Voilà. Là, chez nous. Là, chez vous. Alors, ton adresse, Jack? Non. Et par exemple, Greg officie aussi dans une émission, je crois. Dans plusieurs émissions. Alors, c'est Touche pas mon poste. Vous pouvez retrouver l'émission tous les soirs sur W9. C'est même pas W9. T'es... Ouais, non, c'est NRJ 12. Merde, putain, je capte pas chez moi. C'est l'instant promo, Greg. Vas-y, lâche-toi. Non, bah moi, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube Musinc, n'est-ce pas, M-U-S-I-N-C, hein, pour ceux qui savent. Hein. Et puis sur Salut Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur Caramel et sur MySpace. Tu es excessivement actif sur Instagram, je trouve. Mais globalement, je suis actif, ouais. Je ne sais pas comment tu es sur Twitter, mais globalement, moi, je ne réagis pas. Les gens disent ça de moi, les gens disent que je suis actif. Non, j'essaye d'apporter un petit peu de... Non, je suis actif parce que je fais un jeu pendant le confinement. Ouais, t'as fait ça. Non, mais même, tu poses souvent des questions, tu partages plein de trucs quand même, je trouve. C'est pas, je veux dire, comparé à l'équipe de Road to Hellfest, t'es hyper actif. C'est clair. Écoute, là, que dire. Non, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que moi, j'aurais tendance à conseiller aux gens de te suivre, car effectivement, tu partages plein de trucs. C'est tellement gentil, quoi. Et du coup, Bob, nous, on peut nous retrouver, nous deux, sur notre page Facebook, principalement Road to Hellfest, avec une actualité débordante en ce moment sur le Hellfest. C'est ouf, hein. Et, on n'arrête pas. Du coup, on va revenir avec un truc, hein. On va revenir avec un peut-être nouveau concept. Peut-être, ça parlera peut-être plus de films. Peut-être, ouais, une petite... annonce. Ellipse. On a peut-être un pilote à tourner aussi, on va voir. On ne sait pas. Putain. Ah, bah, tu sais combien qu'on se recycle. Hein, donc, Ah non, mais c'est cool. Franchement, ouais, c'est cool. On n'en est pas là. C'est, en fait, on peut toucher juste deux mots. En fait, on voudrait garder l'esprit des connes de Road to Hellfest, mais j'ai cherché un peu un truc et j'ai proposé un truc à Bob et on va essayer avec un truc pour la blague, en fait. Exactement. Voilà. Et ben donc merci, Bob. Ben merci à vous surtout, hein. Et la prochaine merci. Fois ben, on... merci à vous. La et prochaine donc, fois on changera, on tournera un peu, ce sera sympa. On tirera au sort. Voilà. Alors la question c'est paille. Alors question. Bah, on va voir ça après. On n'a qu'à terminer, dire au revoir à tout le monde. Sinon, j'allais dire, est-ce qu'on tire au sort encore entre nous trois ou entre nous deux? Entre nous trois. Le hasard fait tellement bien les choses. Ça va retomber sur moi. Bah, en vrai, on espère tous. Mais... Tu l'as ton truc, vas-y. Tu comptes pas maintenant? Bah, vas-y. Oui. En direct? En direct. Bonjour. Live, comme ça au moins Gojira, Vianney, Ben. Donc je reset le. Comment? Je non, reset le. Donc je reset alors. Ouais. Ok. Alors comment je peux resetter? Est-ce que je fais tourner tout le monde? Comment si je modifie? Je loupe un élément, je retire un élément, supprime et je fais OK. Non, ça marche toujours pas. Donc j'ai tiré deux fois pour voir. Alors. Qui serait arrivé la prochaine fois? Normalement, Sutetes. Ah, Sutetes, moi. Et la troisième fois, ah bah c'est Greg. Donc c'est bon, on repart à zéro. Vous êtes prêts? Oui. Bah Bob, du coup. On voit pas. Greg. Ah, il est déçu. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Il est déçu, je le vois. Ah là là, il est déçu. Ouais, regarde, je le vois, il est déçu. Il aurait voulu vraiment que ce soit... Ouais. Ça grésille. Ah là là là. Bon, bah Greg, mois de février, c'est un pomme. Le claquement de main de désespoir. Je t'avoue. Ouais, non, mais très bien. C'est avec toi que je relèverai cette mission. Eh bien, bon, bah, c'est bon, bah, c'est cool, on est en vacances, nous. On n'a plus rien à faire. Bon, bah voilà, bah, Bob, je te laisse conclure. Hein. Merci à vous. Merci à toi. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne soirée à tous, ou une bonne journée, un bon apéro, un bon ce que vous êtes en train de faire, tout simplement. Non, on est avec toi, en fait. D'accord. OK. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Quoi, non, dis, bah, dis-moi. Vous êtes en train de faire, mais on est avec toi, donc. Voilà. Ah, mais je parle à ceux qui regardent. À Vianney, qui s'adresse à Vianney. À Vianney, Gojira, ton patron. Oh, excusez-moi, excusez-moi. Patron. Bon, allez. Oh. Du coup, on ne va pas la diffuser, la vidéo. C'est ça l'idée. On la garde que pour nous trois, en fait. C'est ça l'idée, quoi. Alors, bon, on arrête l'enregistrement, c'est fini là. On arrête l'enregistrement. Allez, terminé. Vasectomie.